bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir au Mardi d'Espace. C'est organisé par le CNES avec le réseau Bar des Sciences Paris. Si vous avez envie de suivre cette soirée sur Twitter, c'est possible. De participer à nos débats via Twitter, c'est possible. En utilisant le hashtag CNES TweetUp. D'ailleurs, on a nos tweetos qui sont là et qui vont raconter la soirée sur Twitter directement. Soigner grâce à l'espace, c'est le thème de ce soir. Et Xavier avait quelque chose à nous dire à ce propos. Xavier ? Oui, je voulais juste vous dire que j'ai été vraiment très interloqué par le terme donc, de sédentaire contraint. Et du coup, ça m'a fait penser à mon ami Gontran, qui est astronaute et qui a des problèmes de santé. Donc je voulais juste vous en parler. Les sédentaires contraints, oui, ce sont ceux qu'on oblige à rester alités. Exactement. Connais-tu l'astronaute Gontran ? C'est un sédentaire contraint. Il en a perdu toutes ses dents. Il s'est édenté, Gontran. C'est contraint, il ne peut plus le prendre. De toute façon, il en est contre. C'est dentaire qu'il aurait dû faire un métier bien moins sédentaire. C'est dans Nanterre que Gontran, enfant, fut contraint de choisir. Il avait parié 10 contre 1 qu'astronaute serait son plaisir. Mais le plaisir toujours l'évite. C'est dans ce déchausse pas à pas. Carie, dent creuse ou gingivite. Non, dans l'espace on ne guérit pas. Ah, on va essayer quand même. Merci, je suis désolé, Xavier. Je suis désolé, ouais, non, mais ouais. Voilà, c'était le. C'est Xavier avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut le remercier ? Merci beaucoup. Bon, et c'est vrai qu'il y a des scientifiques, il y a des médecins qui vont dans l'espace, peut-être des dentistes un jour, on verra ça. En tout cas, voilà, soigner grâce à l'espace, c'est le sujet de ce soir. L'espace est un environnement qui est extrêmement particulier, et notamment et en particulier, parce qu'il n'y a pas de gravité, bien sûr, ou presque. On parle de microgravité à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors cette absence de gravité, cette apesanteur, ça donne de très belles images, c'est très poétique, ça donne le mal de cœur aussi. Et puis surtout, ça entraîne des troubles importants pour le système cardiovasculaire, pour le système osseux, pour le système musculaire, entre autres choses, des troubles qui sont heureusement réversibles dans le cas des spationautes. Mais dans ces conditions, vous l'avez bien compris, la recherche médicale et les médecins s'intéressent bien sûr aux spationautes, sont là pour les accompagner et pour, voilà, si un jour on veut envoyer des hommes sur Mars et le voyage va durer 500 jours, il va falloir veiller de très près à la santé des hommes qu'on enverra. Et cette recherche qui est capitale pour les hommes et les femmes de l'espace est également extrêmement importante pour les hommes et les femmes sur Terre que nous sommes. Vous et moi, effectivement, on est en train de bénéficier de cette recherche spatiale qui a des retombées sur des maladies comme l'ostéoporose, sur l'obésité. Alors on va voir tout cela avec vous pendant 2 heures de débat, avec vos questions et avec nos intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Stéphane Blanc et Guillemette Gauquelin-Coq. Merci beaucoup d'être avec nous tous deux. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, Guillemette Gauquelin-Coq? Bonsoir à tous. Je suis responsable des sciences de la vie au Centre national d'études spatiales, c'est-à-dire que je gère, entre guillemets, donc les études qui sont faites en apesanteur chez l'homme, donc que ce soit des études faites dans l'ISS, au sol, avec des expériences d'alitement prolongé, dont on vous parlera certainement tout à l'heure. Alitement prolongé, oui, on va en dire un mot tout à l'heure, effectivement. Des expériences également au cours des vols paraboliques, Donc tout ça, c'est fait en général chez l'homme, mais également toutes les expériences qui sont faites chez les animaux, et essentiellement les rats et les souris dans les biosatellites automatiques. Donc ce sont des biosatellites qui partent pendant 30 jours dans l'espace, seuls, avec les animaux à bord. Et vous, vous suivez ça hein, de très près. Alors, vous organisez les expériences J'essaie de trouver les opportunités, en fait, avec les partenaires russes, chinois, américains, européens, pour que les labos français puissent participer à ces expériences. On a actuellement environ... je travaille avec environ 45 laboratoires français. Ah oui. Dont celui de Stéphane Blanc qui va se présenter. Stéphane Blanc. Bonsoir à tous. Donc Stéphane Blanc, je suis chercheur au CNRS. Je suis directeur adjoint scientifique de l'Institut d'écologie et d'environnement du CNRS. Et je travaille depuis ma thèse, c'est-à-dire bientôt 15-16 ans, sur tout ce qui concerne les adaptations métaboliques et nutritionnelles à l'environnement spatial, entre autres, mais également à toutes les adaptations qui concernent le comportement sédentaire et leurs conséquences sur la santé. Alors, on a utilisé des tas de mots, et comme sédentarité, alité, il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Avant toute chose, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Ce ne sont pas des conditions extrêmement propices au développement d'une santé harmonieuse ? Ben, en fait, si vous voulez, dans l'espace, il y a différents facteurs qui interviennent. Bon, quand les astronautes sont dans la Station Spatiale Internationale, donc déjà, ils n'ont plus de pesanteur, donc ils sont en impesanteur. Donc déjà, ce qui veut dire que le corps humain est modifié, puisqu'on n'a plus besoin d'os, on n'a plus besoin de muscles. Plus besoin de muscles. Et le système cardiovasculaire, lui, s'adapte, puisqu'il y a toute une partie du sang qui est dans la partie inférieure du corps, qui remonte dans la partie supérieure, et l'organisme s'adapte comme ça. Donc moins d'efforts dans l'espace. Oui. Mes os ne me soutiennent plus. Vous n'avez plus besoin d'os, ni de muscles. Je pourrais être tout mou, je pourrais être aussi flasque qu'une méduse, et ça se passerait pas mal. Le système cardiovasculaire, vous disiez aussi, tout ce qui est sang. Oui, parce que d'après ce que je crois comprendre, le cœur est une pompe, et l'un de ses objectifs, c'est de faire en sorte que le sang qui naturellement va vers les pieds remonte de temps en temps au cerveau aussi. Non, mais simplement, quand vous êtes debout, comme ça, vous avez à peu près 1,5 litre de sang dans la partie inférieure du corps. Oui. Quand vous montez dans l'espace, en fait, sans gravité, puisque vous n'avez plus de facteur gravité, tout le sang qui est dans la partie inférieure de votre organisme monte dans la partie supérieure. Oui. Et en quoi c'est un problème, ça ? Non, mais justement, le corps dit « Ah, j'ai un peu une hypervolémie, je vais modifier tout ça, les hormones, tout ça, tout se modifie. » Et le cœur s'adapte très bien, en fait. D'accord. C'est quand on redescend, il y a un petit problème, quand le sang redescend dans la partie inférieure du corps, où là, l'organisme n'aime pas trop. Le cœur a perdu sa capacité de pomper, de faire remonter le sang vers la tête. C'est-à-dire que le cœur a perdu sa capacité de régler sa fréquence cardiaque immédiatement sur sa pression artérielle. Donc ça, c'est le premier facteur, la pesanteur, mais il y a également le facteur confinement, puisque bon, une station spatiale internationale, c'est quand même pas très très grand. Donc en fait, ils ont un peu de mal à se mouver, ils n'ont pas énormément de place pour se mouver. Donc ça, c'est un facteur quand même Important. Se mouvoir, bouger, on va dire. D'accord, très bien. Un autre facteur qui est un tout petit peu comme les radiations. Bon, dans la Station Spatiale Internationale, il y a peu de radiations. Bon, pour les voyages sur Mars, ça sera beaucoup pire. Et donc, les radiations qui viennent du Soleil particulier. Les radiations qui viennent sur la station, c'est pas énorme, hein, en fait, comme sur la station, c'est pas gigantesque. Ouais. Ouais. Voilà, donc en fait, il n'y a pas que la pesanteur, il y a également le confinement, donc l'inactivité physique. Et c'est donc le sujet qui intéresse spécialement Stéphane Blanc. D'accord. Alors, donc ce qui est touché, c'est l'os, c'est le muscle, c'est le système cardiovasculaire en grande partie. Et alors on voit, là il y a une image qui est impressionnante. On peut prendre cette image, vous les avez hein, sur les tables. On peut prendre cette image là où on voit quatre images. Et si on prend celle de en haut à gauche, est-ce que vous pouvez nous la décrire, celle-là, Stéphane Blanc ou Guillemette Gauquelin-Coq? Stéphane Blanc. En fait, sur cette photo, vous avez un astronaute au retour. Et comme Guillemette vous l'a expliqué, le retour de la gravité subitement à l'atterrissage fait en sorte que le sang se retrouve dans la partie inférieure du corps et que en raison des problèmes cardiovasculaires, le sang n'arrive pas à remonter correctement au niveau du cerveau. Et donc si vous ne tenez pas la personne comme elle l'est là, c'est-à-dire en position un petit peu assise, le sang ne va plus au cerveau, la personne fait tout simplement une syncope. La personne fait une syncope là. Non, non, la personne ne fait pas une syncope. Si vous voulez, elle pourrait faire une syncope. Si elle restait debout, elle ferait une syncope. Si elle restait debout, elle pourrait faire une syncope. D'accord. Ok. Parce que, effectivement, le cœur a déjà appris à pomper, on peut dire ça ? En partie, oui, oui, ouais. Oui. Ça fait partie du problème, oui. Ouais. Donc ça, c'est un effet immédiat qui se résorbe au combien de temps ? Alors, pour les effets cardiovasculaires, ça, assez rapidement, en 48 heures, oui, 2-3 jours, l'astronaute récupère ses capacités à régler, on va dire, sa fréquence cardiaque et sa capacité à maintenir une position debout. Donc, il réagit très bien au bout de 2-3 jours. D'accord. Alors, il y a les problèmes d'os aussi, de muscles, ça aussi, ça se résorbe, parce que les muscles, ils s'atrophient un petit peu, c'est ça qu'on peut dire ? Oui, ouais. Il y a une très grande modification en fait, musculaire, puisque les fibres qui sont dites rapides, en fait, dans un muscle, vous avez différentes sortes de fibres, des fibres lentes et des fibres rapides. Les fibres rapides se transforment en fibres lentes et il y a une atrophie musculaire assez importante. Le problème en fait, le plus important, c'est au niveau des os, puisque un cosmonaute est un homme qui a un organisme qui vieillit très rapidement. Mais l'intérêt, c'est que ce vieillissement est réversible. Donc, en fait, ça, c'est extrêmement important. Oui. Donc, non, mais il y a un autre mot très important que vous avez utilisé, c'est le mot de vieillissement. Un cosmonaute, quelqu'un qui a passé du temps dans l'espace, vous dites même c'est un modèle de vieillissement accéléré. Parce qu'en fait, si vous voulez, en six mois dans l'espace, il va perdre une quantité de calcium dans ses os qui est très importante, qui correspond à plusieurs années sur Terre. C'est-à-dire que certains cosmonautes perdent jusqu'à 30% de leur calcium osseux. Mais l'intérêt, c'est que pour un vol de 6 mois, ils le récupèrent à peu près en un an. 30% de calcium, c'est-à-dire que les os eux-mêmes pèsent moins lourd, si je puis dire. Oui, vous voyez que la trame osseuse est quand même très, très abîmée. Alors, si on regarde à nouveau cette même page, on voit effectivement les espèces de carrés, de rectangles jaunâtres. Et alors, qu'est-ce que ça représente, ces deux rectangles jaunâtres? En fait, si vous voulez, c'est la matrice osseuse qui est abîmée exactement comme donc chez ça, la femme. Donc ça, c'est un grossissement. Oui, comme chez la femme après 50 ans, quand on a de l'ostéoporose et qu'on continue notre ostéoporose. Et qu'est-ce qu'on voit en haut et en bas? C'est quoi? C'est un astronome, ça, c'est l'ostéoporose, c'est quoi? Ça, c'est un os normal et ça, c'est un os après un séjour en apesanteur. Ah d'accord, c'est un astronaute, ça. Oui. C'est un spationaute. D'accord, donc effectivement, on voit qu'il y a des cavités assez impressionnantes quand même qui se mettent en place. Et en fait, c'est très variable d'un sujet à l'autre. On ne sait pas en fait si c'est un problème génétique, de quelle nature, de quelle origine cette différence, puisqu'il y a entre 10 et 35 % Et actuellement, on n'arrive pas à... Entre 10 et 35 % de perte de calcium. Hein. On n'arrive pas du tout en fait à diminuer cette perte chez certains individus. On n'a pas trouvé de contre-mesure. On n'a pas trouvé de contre-mesure. Donc, ça sera un gros problème pour Mars. Alors, sauf que, on est bien d'accord. C'est un gros problème pour Mars. Hein. Ouais. Sauf que, parce que là, ce ne sera pas 180 jours, ce sera 500 jours. Hein. Ouais. Mais tout ça est réversible, on est d'accord? Tout est réversible. D'accord. Donc, ils vont récupérer du calcium, il va se fixer à nouveau sur les os. Ouais. Donc ça, c'est les os. Il y a tout ce qui est musculaire également. Donc, les muscles sont atrophiés, oui. C'est ça? Oui, les muscles s'atrophient énormément. Bah oui, puisque vous n'en servez plus du tout. Donc, restez 6 mois allongés, vous verrez vos muscles. Il n'y en aurait plus beaucoup à la sortie. Mais eux aussi, c'est réversible. En fait, ils le reprennent avec l'exercice musculaire, avec un certain nombre de contre-mesures. Après vol, ils arrivent à récupérer facilement. Alors ça, c'est dans l'espace. Ils passent des batteries de tests, ces spationautes, quand ils reviennent sur Terre, pour voir justement où ils en sont, en ce qui concerne leur santé, etc. Il y a des mesures avant vol, en fait, pour voir leur état avant de partir, pour avoir les mesures de base, les mesures contrôle pour nos scientifiques. Ensuite, il y a des mesures en vol. Donc, à différents moments du vol, en général, au début du vol, c'est assez rapproché. Après, c'est tous les mois. Donc, il y a les mesures scientifiques et les mesures médicales, parce que c'est quand même très, très bien suivi d'un point de vue médical. Et après, il y a les mesures au retour, donc le plus rapidement possible. Tous les scientifiques veulent le R0 ou le R+1. Le R0, c'est quoi le R0? Le jour de l'atterrissage pour tout de suite voir les modifications qu'il y a eu. D'accord. Et en général... Tous les gens qu'il y a autour, là, ce sont des médecins? Non, voilà. Pas non, sur la photo. Et ensuite, pendant un an à peu près, ils sont suivis. D'accord. En fonction des programmes, on fait jusqu'à un an. Donc c'est aussi bien pour, si on les suit, c'est aussi bien pour leur santé propre, pour qu'ils le récupèrent, mais c'est aussi pour apprendre de leur cas. Ah oui, beaucoup. Ouais, c'est ça. Du côté des scientifiques, c'est pour apprendre. Et donc, on cherche donc des moyens d'améliorer les conditions de vie des spationautes dans l'espace, leur santé. En quoi est-ce que ça peut avoir des répercussions sur Terre, sur la médecine sur Terre ? Stéphane Blanc. Alors en fait, il faut faire attention à la façon dont on pose la question et le problème. L'une des principales causes de la maladaptation à l'environnement spatial, c'est l'inactivité physique induite par l'absence de gravité. Comme Guillemette vous l'a expliqué, on a évolué depuis des millions d'années avec la composante gravitaire, la gravité, qui fait qu'on a deux jambes, on se tient debout. Des millions d'années, je dirais même depuis des milliards d'années. Enfin, depuis des milliards d'années, oui, mais pour l'homme... Les cellules, elles se sont habituées à la gravité. Tout à fait, mais si vous prenez l'homme, vous avez deux jambes et vous avez une stature debout avec un système cardiovasculaire et osseux qui est là pour répondre à la contrainte gravitaire. Et dans l'espace, vous perdez cette contrainte. Et l'organisme n'a aucune raison de maintenir quelque chose qui est coûteux alors que l'élément de base, la gravité, n'est plus là. Donc, il n'a plus besoin de maintenir. Cette gravité, c'est une contrainte, c'est un problème finalement auquel... Ça coûte de l'énergie, de rester debout. Ouais. Et donc, en réponse à l'absence de cette gravité, vous avez le muscle qui effectivement se met à fondre. L'organisme n'a plus besoin de maintenir une masse musculaire importante puisqu'il ne sert plus. C'est la même chose pour l'os. Pour le cardiovasculaire, et bien petit à petit également, la masse du cœur va diminuer, il y a moins besoin de pomper. Et finalement, toute cette adaptation est en réponse à l'absence de gravité, donc de contraintes mécaniques, donc d'exercice physique. Et ce que l'on se rend compte maintenant au sol de plus en plus, si on passe sur un volant, on va dire, plus épidémiologique, c'est que la plus grande partie des maladies chroniques non transmissibles sont en grande partie liées à la sédentarisation croissante des populations. Vous pensez à quoi en particulier ? Alors vous avez tout simplement, vous prenez des personnes âgées chez qui on a étudié pendant des années les problèmes nutritionnels, métaboliques, de manque de force musculaire, on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas forcément lié au vieillissement en soi, c'est lié à l'inactivité et la sédentarité des personnes âgées. Donc vous êtes parfaitement capable de réverser certains faits liés au vieillissement en augmentant de manière appropriée leur activité physique. Donc l'activité physique, c'est un problème sur Terre et... On la retrouve donc dans l'espace avec ces spationautes qui n'ont plus à se tenir, qui n'ont plus à faire d'efforts physiques finalement. Complètement. Ouais. Mais en absence de gravité dans l'espace, on va dire que la contre-mesure qui est la plus utilisée pour essayer de prévenir la fonte musculaire, les problèmes cardiovasculaires et osseux, c'est l'exercice physique, ce qui fait sens. Donc ça fait depuis 50 ans... que des protocoles d'exercices physiques diverses et variés sont utilisés dans l'espace sur tous les astronautes tous les jours pour essayer d'améliorer leur santé. Alors on peut en voir un exemple là, hein, c'est toujours sur la même page en bas à droite, c'est un peu pris au fisheye, hein, la photo est un peu déformée, mais on voit bien de quoi il retourne, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous avez ici un astronaute qui est en train de courir sur un tapis roulant et vous pouvez voir que bien évidemment pour pouvoir courir sur un tapis roulant en absence de gravité, il est harnaché avec des élastiques qui le plaquent contre le tapis roulant. Et là, il faut... Ça fait partie du quotidien des spationautes, hein, de devoir faire de l'exercice à bord de la Station Spatiale Internationale. Complètement. Ouais. C'est même requis par les médecins, ce qui pose quelque part un petit problème pour les scientifiques, puisqu'à ce jour, nous n'avons pas de données sur des astronautes qui ont volé sans exercice physique. Et... quel intérêt ça aurait ? C'est-à-dire que ça vous permettrait de mesurer l'intérêt de faire de l'exercice physique ? Non, ça nous permettrait d'étudier les véritables mécanismes d'adaptation seuls à l'absence de gravité. D'accord. Donc ce qui se passerait finalement si on ne faisait pas d'exercice ? Complètement. Et on fait combien d'exercices quand on est un astronaute comme ça, par jour ? Alors c'est très variable selon les agences spatiales, mais en gros effectivement c'est 1h30 à 2h d'exercice physique par jour. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et alors quand on parle d'exercice physique, il s'agit de quoi ? On voit qu'il est en train de courir là sur un tapis roulant, mais on va recourir comme ça pendant 1 heure Non, c'est des combinaisons d'exercices physiques. Ouais. Vous avez aussi, donc vous avez essentiellement du tapis roulant, mais vous avez aussi des exercices d'irrésistifs qui correspondent un petit peu quand vous allez en salle de gym et que vous poussez des poids. D'accord. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de gravité, donc j'imagine que quand je pousse mon poids... C'est pas un problème, vous n'avez pas de gravité, mais vous pouvez avoir une résistance mécanique sur un poids. Si vous avez un ressort, il faut bien exercer une force. Ah, il faut un ressort, d'accord, voilà. Ok. Il faut un ressort dans l'histoire. Comme il y avait un élastique tout à l'heure, il faut quelque chose pour... contre quoi pousser ou contre quoi tirer. D'accord. Donc, je suis astronaute, spationaute, je fais 2 heures, 1h30 de sport par jour, si j'ai le temps, hein, parce que souvent... Mais ça prend énormément de temps, en fait, ouais, c'est ça le problème. Souvent, les journées sont quand même bien remplies. Est-ce qu'on a pu mesurer les effets bénéfiques de ce sport ? Alors là, c'est une question qui est un petit peu, on va dire, délicate, parce que comme question je question délicate. Alors c'est étonnant ce que vous dites, parce que moi, j'ai toujours entendu dire que oui, il fallait faire du sport quand on est dans l'espace, contre l'ostéoporose, pour le cœur, etc. Vous êtes en train de dire, c'est une question délicate. C'est une question délicate parce que les physiologistes du sport, c'est valable sur Terre également, ont toujours dit, faites le plus de sport possible, le plus, c'est le mieux. Ah, ils ont toujours dit et ils le disent toujours. Et ils continuent à le dire, quoi qu'ils commencent maintenant à revoir un petit peu leur copie, parce qu'il y a des données sur Terre qui montrent que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Ce que l'on sait, c'est que le type d'exercice physique qui est pratiqué dans l'espace ne permet pas à ce jour de contrecarrer l'ensemble des mauvaises adaptations à l'environnement spatial. D'accord, on ne peut pas contrecarrer l'ensemble des mauvaises adaptations à des problèmes osseux, cardiovasculaires, musculaires. On n'arrive pas à résoudre ça simplement par du sport. D'accord, mais est-ce que pour autant, ça veut dire que ce sport apporte des bénéfices quand même ? Alors oui, d'un point de vue cardiovasculaire, c'est évident qu'il y a des bénéfices. Après, il peut y avoir des effets un petit peu secondaires, parce que l'astronaute est quelqu'un qui a du mal à maintenir, on va dire, des apports nutritionnels normaux pour maintenir son poids. Donc il y a des effets d'anorexie qui sont observés, qui ne sont pas bien compris. Et si vous faites... Des effets d'anorexie, c'est-à-dire qu'on a moins faim quand on est dans l'espace, en règle générale. Vous avez moins faim. Vous mangez à peu près 30%, 20 à 30% de moins que lorsque vous êtes au sol. Ça peut être lié au mal de l'espace parce que... Ça peut être lié au mal de l'espace, mais essentiellement dans les premiers jours du vol. Après, ça passe assez rapidement. Et on comprend tout à fait que si vous avez quelqu'un qui est un petit peu en déficit énergétique et que vous lui faites faire du sport... Déficit énergétique. Donc, je suis à spationaute, je n'ai pas assez mangé finalement. Je n'ai pas pris tellement d'énergie et on me fait faire du sport à haute dose. C'est ça le problème ? Ça peut être les problèmes, oui. Ça peut être... Là, vous parlez d'effets secondaires. Effets secondaires, ça veut dire... est fait plutôt dans un sens néfaste. Oui. Ouais. Et alors, quel serait cet effet secondaire là, sur cet astronaute qui mange moins et qui fait beaucoup de sport ? Donc, il va perdre plus de poids, il va être plus fatigué, et donc il va perdre plus de muscles. Il va perdre plus de muscles. Voilà. Donc, au final, le sport qu'on utilisait justement pour résoudre cet ensemble de problèmes... va peut-être aggraver l'un de ces problèmes, les problèmes musculaires. Alors disons que pour reformuler un petit peu différemment, on commence à se poser des questions sur les types de protocoles d'exercice physique qui sont à appliquer sur les astronautes. Donc le problème, ce serait... Si c'est de l'exercice physique qu'il faut effectivement qu'il fasse, qui n'est pas sûr du tout. C'est même pas sûr qu'ils doivent faire de l'exercice physique. On peut trouver peut-être autre chose. Ce serait quoi par exemple ? Alors il y a différents types de contre-mesures qui sont à l'étude. Il y a chez l'animal des données qui sont assez convaincantes lorsque vous utilisez des polyphénols, donc des... Alors ça c'est la voie chimique, j'allais dire, peut-être qu'on va en reparler si c'est vous la voie bien. Nutritionnelle. Mais avant qu'on parle de la voie nutritionnelle, je voudrais qu'on reste un peu sur les aspects un peu sportifs. Ce que vous disiez, ce que j'avais l'air de comprendre, c'est que le sport qu'on pourrait mettre en place, ce serait plutôt que de la course, qui est très demandeuse musculairement, etc. Ce serait justement de contrer des ressorts, ce genre de choses ? Ah oui, bien sûr. De faire des poussées, de tirer. Oui, en fait, on sait déjà, la physiologie de l'exercice est quand même très connue au sol, sur Terre, et on sait très bien que selon le type d'exercice physique que l'on a, que l'on réalise, on a des contraintes énergétiques qui sont différentes. Et que par exemple, faire du lever de poids, c'est-à-dire des exercices qui sont dits résistifs, ont un coût énergétique qui est bien, bien plus faible que le coût énergétique de quelqu'un qui va courir sur un tapis pendant une heure. Ce qui signifie que si au lieu de courir, je poussais contre des ressorts ou je tirais contre des ressorts, mon corps irait moins puiser dans les réserves musculaires. C'est exactement ça. Sauf que c'est un petit peu vicieux parce que faire de l'exercice dit résistif contre un ressort va aider à vous maintenir votre masse osseuse et votre masse musculaire, mais ne va pas avoir un impact sur le système cardiovasculaire. Ah non, c'est pas vrai. Donc on perd d'un côté ce qu'on gagnait de l'autre. Voilà. Enfin, d'accord. Donc on est à la recherche de la combinaison de parfaite. De la combinaison parfaite, si elle existe. Si elle existe, d'accord. Alors ça, restons juste un point là-dessus. Il y a encore plein de sujets dont on peut parler, bien sûr. Mais je voudrais juste là prendre cet exemple dont on vient de parler. Est-ce que, par exemple, là, toutes ces recherches, ces études qu'on mène dans cet environnement extrêmement particulier qu'est l'espace, ça peut avoir un intérêt sur Terre. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça à des personnes sur Terre ? Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la principale cause d'adaptation à l'environnement spatial, c'est la sédentarité et le manque... La cause d'adaptation à l'environnement spatial, je comprends pas ce que ça veut dire. Le principal facteur qui est responsable des mauvaises adaptations des astronautes, c'est l'absence de gravité. Ouais. D'accord ? Donc c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant une sédentarité forcée par l'environnement. Dont parlait... Voilà. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on se rend compte que la sédentarité sur Terre est l'un des problèmes majeurs depuis la révolution industrielle, où finalement, on se rend compte que l'on a un petit peu, grâce à l'ingénierie, poussé l'activité physique en dehors de notre vie quotidienne. Et ça pose un problème important, parce que nous avons évolué depuis plus de 50 millions d'années avec des niveaux d'activité physique très importants, et on ne sait pas s'adapter à ce manque d'activité. Et la conséquence... L'homme est fait pour être actif. Est fait pour courir régulièrement. Ouais. Et on se rend compte que simplement... Pour courir au sens large. L'homme est un chasseur-cueilleur, il est fait pour courir. D'accord. Mais quand je cueille, je n'ai pas besoin de courir. Non, mais quand vous chassez, oui. D'accord. Et donc, ce que l'on se rend compte, c'est que la sédentarité est l'une des principales causes de mortalité dans les pays industrialisés. Et pour vous donner un ordre d'idée sur des chiffres qui sont sortis l'année dernière, la sédentarité cause autant de morts que le tabagisme dans le monde. La sédentarité cause autant de morts que le tabagisme dans le monde. Alors moi, j'ai d'autres chiffres. J'ai vu que les personnes obèses, donc c'est un des effets, l'obésité, c'est un des effets de la sédentarité. Les personnes obèses représentent 15% de la population adulte en France. Hein, c'est des chiffres de 2012 contre 8% en 97. Donc entre 97 et 2012, donc en 15 ans, on a multiplié par deux en pourcentage la population obèse en France. Et en 15 ans, le poids moyen des Français, en 15 ans donc, a augmenté de 3,6 kg et leur tour de taille a progressé de 5,3 cm. Et je le confirme, je l'ai personnellement vécu et je le vis tous les jours. Ah, absolument, absolument. Alors il faut faire attention ici, et encore une fois, c'est que ce que l'on observe, c'est que les réponses de la physiologie des astronautes et la réponse physiologique de personnes normales en termes de poids que l'on rend sédentaire sont très proches de ce que l'on observe chez une personne qui est en surcharge pondérale. Ah, qu'est-ce que c'est que la réponse ? Vous observez d'un point de vue, vous avez les mêmes taux d'évolution de glucose, d'insuline, donc vous devenez insulino-résistant, c'est-à-dire un état pré-diabétique. Vous parlez du spationaute, là hein. Je parle de l'astronaute, oui. Ah ouais. D'accord. Vous vous trouvez avec des taux de lipides dans le sang qui sont assez représentatifs de ce que pourrait avoir une personne qui est avec un bon tour de taille. Et donc, on se retrouve vraiment sur un profil, on va dire, de métabolisme qui est proche de ce que l'on a entre la personne que l'on rend sédentaire et la personne qui est obèse en surcharge pondérale. Alors attention, la personne courant sédentaire, encore une fois, pour vous, c'est le spationaute. Hein. Voilà. Ouais. Ou la personne que l'on met dans un lit pour simuler la pesanteur. Et là, je veux vraiment insister là-dessus. C'est pas parce qu'on a les mêmes profils dans nos deux populations que l'inactivité peut être considérée comme étant causale directement dans l'obésité. Alors, dans un cas, effectivement, on rend les gens sédentaires, hein, ce sont les spationautes, et on voit qu'ils commencent à développer des signes de pré-obésité, ils sont pré-diabétiques, hein, je ne sais pas si je vais peut-être un petit peu vite, mais enfin voilà. Et en même temps, vous dites que une personne... rappelez-nous, votre conclusion, là, à l'instant, c'est que la personne obèse... On a des parallèles très forts entre les deux, c'est-à-dire entre une personne qui peut être en surcharge pondérale et une personne qui est rendue volontairement sédentaire. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une relation causale directe entre les deux. C'est pas pour ça que l'on peut conclure que l'obésité est due à la sédentarité, d'accord, même si on sait qu'elle y joue un rôle d'un point de vue d'épidémiologie. C'est ça, elle joue un rôle, évidemment. Mais parce que la nutrition aussi joue un rôle, c'est ça ? La nutrition joue un rôle, la génétique joue un rôle également, c'est ça ? Il y a d'autres facteurs, c'est ça que vous voulez dire ? Complètement. Absolument, très bien. Bon, voilà, c'était juste un petit tour, on a mis un doigt dans le sujet. Est-ce que les uns les autres voudriez poser des questions, intervenir ? Alors, sur Twitter, nous avons quelqu'un qui veut poser une question. Alors, j'ai une question peut-être un peu bête qu'on va poser sur Twitter, simplement. A priori, il y a deux astronautes qui vont passer un an dans la station ISS pour savoir s'il leur faudra à eux donc 2 ans pour se remettre au niveau calcium. Oui, pratiquement, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment des sujets, mais pour un vol de 6 mois, c'est entre 6 mois et 1 an en fonction de la perte qu'ils ont eue. S'ils ont perdu que 10%, c'est sûr qu'ils s'y remettront beaucoup plus vite. Mais Polyakov, qui a passé 18 mois dans la station, qui était particulièrement résistant, qui était un Russe, lui a mis même pas 1 an à se remettre. C'est vraiment très très variable, c'est des facteurs individuels très très importants. Une autre question au fond. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, vu que l'exercice physique ne suffit pas, s'il y avait eu des expériences visant à pallier ça, par exemple en utilisant soit l'électrostimulation comme le font les kinés, avec des électrodes externes, ou bien également aussi avec des catécholamines, genre atropine ou dobutamine, à une dose bien calculée qui serait peut-être croissante pour stimuler la pompe cardiaque, voire même éventuellement, pourquoi pas, des proconvulsivants, comme dans le cas des épilepsies, pour favoriser la contraction musculaire, en jouant vraiment sur la dose pour augmenter la stimulation des muscles. Catécholamine, proconvulsivant. Comme en réanimation, quoi. Ou bien électrostimulation. Voilà les trois mots-clés, là. Alors, je pense qu'il y a quelques agences spatiales qui se sont peut-être posé la question. Il y a eu quelques études chez le rat. Il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que le fait d'être dans l'espace modifie la façon dont vous métaboliser les médicaments, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Métaboliser les médicaments, c'est-à-dire quoi? Les effets sur Terre des médicaments ne sont pas les mêmes que ceux dans l'espace. Ah d'accord. Les effets sur Terre des médicaments. La pharmacologie est différente. Ne sont pas les mêmes que dans l'espace. Ouais. Et je pense. Pourquoi pas? Excusez-moi, juste une petite incise. Tout simplement, vous avez la redistribution du sang dans la partie supérieure du corps, vous avez le fait que les muscles sont plus faibles et que leur contribution à la façon dont est métabolisé le médicament est différente, le foie prend un rôle plus important, etc. Donc l'organisme dans son ensemble fonctionne d'une manière assez D'une manière différente. D'accord. D'ailleurs, ça fait partie des priorités de recherche pour l'exploration planétaire, de savoir comment est-ce que l'organisme va métaboliser les médicaments pour les vols de très longue durée sur Mars. Mais pour revenir sur votre question, je ne pense pas que de tels risques en termes de pharmacologie soient faits dans l'espace sur des astronautes chez qui la demande est très importante en termes de charge de travail et de responsabilité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on veut tellement protéger qu'on ne va pas tester des proconvulsivants des métacolamines. À ma connaissance, je sais pas ce que c'est les métacolamines. Ma connaissance, il n'y a pas eu d'études en cours qui est sur ces questions-là. Catécholamine. C'est quoi les catécholamines? Catécholamines, c'est des hormones qui sont produites, on va dire, par le système nerveux sympathique, donc un petit peu dans l'organisme, et qui permettent, par exemple, en gros, lorsque vous avez très peur, d'avoir un cœur qui s'accélère, vous permettent de courir plus vite si vous avez un chien derrière vous. En gros. Ou un tigre. Oui, alors c'est ça l'électrostimulation, là. Mademoiselle ne prendrait pas trop de risques, là, si elle... Non, l'électrostimulation, ça ne prendrait pas trop de risques. Ça a été testé par les Américains lors de simulations d'un pesanteur au sol. Ce n'est pas très probant. Mais est-ce que ça marche sur Terre? Ça marche plus ou moins sur Terre, mais sur ce que l'on a vu sur les expériences au sol, c'est que, grosso modo, vous arrivez à maintenir la masse du muscle, grosso modo, mais vous n'avez pas d'effet sur la force musculaire. Il faut y aller. Faut l'utiliser beaucoup. Parce que je vous rappelle quand même que vous êtes dans un état où le muscle ne travaille plus et où vous êtes rentré dans un engrenage de fonte musculaire. Et puis c'est pas seulement, il faudrait pas le faire juste pour les abdominaux, pour avoir de jolis abdominaux, il faudrait le faire avec tous les muscles du corps. Alors il y a des... Sur Strasbourg, il y a une université qui est dédiée à l'espace qui s'appelle l'ISU, International Space University. Et les étudiants ont des projets comme ça où ils doivent travailler sur différentes questions. Et il y a cette année un étudiant qui a proposé une combinaison sur laquelle seraient appliquées des électrodes en permanence pour faire de l'électrostimulation. Travaille ton jeu, Lucas. Oh, mais sois cool, papa. Et ton coup droit, mon gars. Tranquille, ne t'inquiète pas. Tu as la compétition qui arrive à grands pas. Ramène à la maison des médailles plein les bras. Mais tu m'agaces, papa. C'est pas si grave, le sport. Si tu t'inquiètes comme ça, un jour t'en seras mort. Toi, mon enfant, mon fils, astronaute sera ton métier. Tu fais du sport, d'accord, mais c'est du sport sans gravité. Merci Xavier. Une autre intervention. avec ce sport sans gravité. Je crois qu'on a oublié de parler d'un sujet très important. Oh là là. Il nous reste une heure et demie. Oui, hein. Non, mais les problèmes médico-biologiques de la physiologie de l'homme dans l'espace, il y a toute une série de contre-mesures qui existent. Je suis l'auteur d'un guide qui s'appelle « Le guide des combinaisons spatiales » préfacé par l'astronaute Favier. On a la photo, on a la combinaison de Chibis qui permet de créer une pression négative et de faire descendre le sang dans le bas du corps du cosmonaute. Alors on va montrer la photo. Hein. Voilà, c'est toujours sur la même page. C'est la photo pour qui la est personne qui posait la question. Y a en haut à droite. Il n'y a pas que la condition physique, à savoir faire du sport. Hein. Ils donc sont en haut à droite, le pantalon voilà. Orange, c'est la combinaison de Chibis voilà. Russe. Ça permet de créer une pression négative et de faire descendre la masse sanguine vers le bas du corps. Et ensuite, vous avez d'autres équipements. Donc, de simuler finalement la gravité pour le cœur. Pour amener à ce que le cœur retravaille régulièrement, plusieurs heures par jour, et pompe et amène du sang vers le bas du corps. De même que sur des vols de très longue durée, comme 438 jours pour Polyakov, on équipe, pour certaines missions très longues, de bas de contention au niveau des jambes, l'astronaute, pour protéger son système veineux en cas de redescente de la masse sanguine beaucoup trop rapidement en retour en pesanteur normale. Alors attendez, des bas de contention, donc là on va en empêcher le sang d'aller dans le... Non, dans c'est de serrer les jambes, au contraire. La partie bas du corps. Oui. Pour faire descendre moins vite la masse sanguine quand ils sont en retour. Ah, c'est au moment du retour. Voilà, c'est au moment du retour. Autre combinaison, ils ont la combinaison aussi pingouin, qui est une très belle application, puisque ça permet de traiter et de faire des thérapies pour des maladies neuromusculaires, notamment la paralysie cérébrale infantile. Je suis en contact d'ailleurs avec un réseau d'une trentaine de 200 cliniques dans une trentaine de pays. Et c'est à partir de la combinaison pingouin 3, qui a été développée à l'époque des années Salyut et du programme MIR, si vous regardez sur les vidéos. C'est une combinaison bleue avec toute une série d'élastiques, notamment au niveau du torse, au niveau des jambes, à tous les niveaux. Et on recrée une forme de contrainte sur le squelette, sur l'organisme en permanence. Donc on reste debout et dans cette combinaison, Polyakov, c'est ça ? Qui a passé 14 mois, il était habillé tous les jours d'une combinaison pingouin 3. Donc on se promène dans cette combinaison-là, voilà, c'est dans ça ? Dans la station, voilà. On se promène, si je peux dire. Et leur combinaison bleue, c'est cette fameuse combinaison pingouin 3. Et retenez que c'est une très grande application. Et on va s'attaquer notamment à des problèmes de thérapie en cas d'hémiplégie suite à un AVC. Donc il va y avoir des retombées sur Terre. Depuis très longtemps, hein, réseau dont je vous parle, ça fait déjà plus de 10 ans. Très bien, on n'a pas de clinique en France, c'est le programme TerraSud, j'en parle dans la... TerraSud. Terra, T-H-E-R-A-S-U-I-T. TerraSuite. Voilà. TerraSuite. Voilà. J'y suis. Et c'est deux thérapeutes polonais qui avaient une petite fille qui souffrait de paralysie cérébrale. Elle a retrouvé une pleine autonomie. Et ça fait 10 ans qu'elle fait de l'exercice physique tous les jours grâce à une combinaison qu'on a adaptée suite à la combinaison pingouin 3 qui est un brevet des Russes depuis plus de 40 ans. Voilà, je vous ai pris quelques exemples. Mais très bien. Donc il y a des combinaisons. C'est ça. Extraordinaire de combinaisons. De combinaisons. D'accord. Voilà, c'est tout un domaine très spécifique. Ouais. En plus des scaphandres, il y a toutes les combinaisons à usage médical. D'accord. Voilà. Très bien. Alors on les avait oubliés. Alors qu'est-ce que vous faites là ? C'est quoi ce boulot ? Non, mais effectivement, il y a toute une quantité de combinaisons, de contre-mesures, mais en fait, le Chibis, déjà actuellement... Alors le Chibis, on va revenir quand même, c'est ce pantalon orange, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait exactement ? En fait, c'est un pantalon qu'on serre à la taille, et on fait une dépression de façon à tirer le sang de la partie supérieure du corps à la partie inférieure du corps. On fait le vide, et donc ça oblige le cœur à pomper, finalement. Ce Chibis, donc, il n'est que dans la partie russe de la Station Spatiale Internationale, les Américains n'en ont pas. Donc déjà, les Américains ne peuvent pas faire ce genre de contre-mesure. Et en fait, le Chibis est fait au cours du contrôle médical, c'est-à-dire tous les mois chez les cosmonautes russes, et ensuite, les 15 derniers jours, deux fois les 15 derniers jours, avant la redescente. Donc on fait de la rééducation juste seulement les 15 derniers jours. Exactement. D'accord. C'est plutôt accéléré dans la deuxième partie du vol. Ça, c'est la première chose. Effectivement, il y a les habits, mais ça, c'est essentiellement les Russes, les habits bleus. Les pingouins, c'est ça ? Oui, que les cosmonautes mettent. Et moi, à ma connaissance, quand on discute avec les Russes, ils ne les mettent pas tous les jours, ils les mettent de temps en temps quand vraiment ils ne se sentent pas bien. Il y a également des espèces de... Et donc là aussi, il y a des effets qui sont avérés et positifs ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait positif. Les Russes mettent également des boots, ce qu'on appelle les boots aux pieds, c'est-à-dire que c'est des chaussures, en fait, qui vont vous faire sur les talons, qui vont... qui vont comprimer le dessous des pieds, en fait, et recréer comme s'ils marchaient sur Terre. Donc ça, c'est également efficace. Ah, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on fait exactement ? C'est des chaussures Bon, les cosmonautes sont comme ça, si vous voulez. Donc, ils ont des chaussures qui vont faire des... qui compriment la... Non, qui vont simuler, en fait, la marche. Oui, ah d'accord. Avec des capteurs sous les pieds pour simuler la marche. D'accord. Donc, ça, effectivement, ça marche très bien. Mais que c'est là, que chez les Russes. Avec quel effet? Eh bien, un effet comme s'ils marchaient. D'accord, mais quel effet sur le corps? Est-ce que... Eh bien, un effet sur les os, sur les muscles, etc. Ah, bon, parce que ça simule la marche, en fait. Ah, bon, d'accord. Il y a également donc, les combinaisons bleues. Il y a également ce qu'on appelle, en termes très grivois, des portes-jartelles. On n'a pas la photo, là, je suis désolé. Non, je ne vous ai pas donné. En fait, c'est des courroies que les Russes se mettent au niveau des cuisses. Et là encore, ça permet de tirer le sang de la partie supérieure à la partie inférieure. Bon, avant, je ne sais pas si ça se fait toujours, il y avait aussi tout ce qui était eau hyper salée, etc., juste à la descente, enfin. Bon, eau hyper salée, qu'est-ce qu'on faisait? On la buvait, on en faisait quoi? De façon à remplir le cosmonaute, justement, qu'il en descende. Remplir le cosmonaute d'eau salée, c'est ça? Oui. Non, j'essaie de comprendre, oui. C'est quoi l'idée? Oui, en fait, pour remplacer le sang qui est perdu. Voilà, pour remplacer le sang qui est perdu, en fait, donc on fait une solution hypertonique et le... D'accord. Pour la redescente. Très bien. Si vous voulez... Ça a l'air tout simple dans votre bouche, mais oui. Très bien. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait pour l'instant, il n'y a pas encore de produit miracle comme contre-mesure. Oui. Bon, pour l'instant, Une batterie gigantesque de contre-mesures mises en œuvre. Et puis ces contre-mesures-là, c'est quand même à tendance cardiovasculaire. Pour l'instant, tout ce qui est habit pingouin, tout ce qui est combinaison, moi, je n'ai jamais vu d'effet sur les os, ni sur les muscles. D'accord. Sauf les fameuses boots avec les vibrations. Mais bon, pour l'instant, quand un cosmonaute revient de l'espace après un vol de 6 mois ou d'un an, jusqu'à maintenant, il est quand même assis dans une petite chaise en arrivant. Il ne sort pas en courant, il sort en pingouin et en porte-jartel, voilà. Mais pas en courant. D'accord. Stéphane Blanc. En fait, ce qui manque, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les scientifiques sont spécialisés sur des fonctions, on va dire, biologiques données. Donc vous avez le cardiovasculaire qui va travailler sur sa fonction cardiovasculaire, qui va tester toute une batterie de contre-mesures. Vous avez le musculeux qui va travailler sur plein de types d'exercices physiques. Et la même chose sur la personne qui travaille sur l'eau, c'est qu'il va tester quelques molécules pharmacologiques. Tout ce que ces gens ont un petit peu oublié, c'est que l'organisme était quelque chose d'intégré, que les organes communiquaient entre eux, et que certains effets positifs pouvaient avoir des effets négatifs sur d'autres fonctions. Et à l'heure actuelle, je dirais que dans les 15 prochaines années, ce qui est important en termes de recherche spatiale, c'est de trouver la contre-mesure qui est la plus efficace sur l'ensemble des fonctions physiologiques. Parce qu'effectivement, si on regarde la littérature, là où il y a eu plus de recherches, c'est quand même sur le cardiovasculaire. Le cardiovasculaire, ça s'adapte très bien. Ce n'est pas forcément un gros problème. C'est pas forcément le problème principal. Voilà. Ouais. Et donc vraiment, là, il y a eu ce qu'on appelle une roadmap, je ne sais pas comment je pourrais traduire. Une feuille de route. Une feuille de route, merci, qui a été faite au niveau européen pour l'exploration planétaire sur les priorités de recherche en recherche médicale spatiale. Et parmi ces priorités, c'est le travail de manière intégrée sur une contre-mesure qui soit efficace sur l'ensemble des fonctions physiologiques. Parce qu'effectivement, vous pouvez mettre du GBIS, vous pouvez faire de l'exercice physique, vous pouvez donner un médicament, etc. Mais in fine, vous allez avoir un astronaute qui va être occupé à faire des contre-mesures 12 heures sur 24. Ouais. D'accord ? Donc il ne pourra pas réaliser sa mission, il ne pourra pas travailler correctement. D'autres interventions peut-être de ce côté-là ? Alors on continue. Est-ce qu'il y a des moyens de simuler en fait le métabolisme humain pour pouvoir après, comme vous dites par exemple, rentrer dans une simulation des paramètres et voir les résultats ou est-ce que c'est peut-être justement trop compliqué pour être fait? C'est-à-dire quoi, simuler sur Terre la pesanteur, c'est ça? Non, peut-être informatiquement en fait avec un ordinateur. Comme maintenant on simule beaucoup de choses. Modéliser le corps humain tel qu'il est dans l'espace, après, c'est ça? Je ne sais pas où c'est parti. Alors ça c'est la même chose, c'est qu'on le fait, c'est ce qu'on appelle la biologie des systèmes, ça marche assez bien. Par contre, ce que l'on ne sait pas trop faire, c'est combiner différents systèmes biologiques entre eux. C'est-à-dire que ne serait-ce que le système cardiovasculaire en termes de modélisation, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, hein, c'est des systèmes chaotiques. L'associer à la réponse musculaire et osseuse, à ma connaissance, je ne pense pas que ce soit fait. On n'a pas réussi à modéliser le corps humain. On n'a pas réalisé à le faire. Ce qu'il faut bien... Pardon ? Et puis il y a le système nerveux. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que je ne pense pas qu'on ait assez de données sur les adaptations elles-mêmes pour pouvoir les rentrer dans un système qui modélise correctement. Donc si vous n'avez pas les données d'entrée qui sont correctes, votre modèle à la fin ne sera pas nécessairement bon. Ou il sera bon sur une partie spécifique d'un système biologique. Voilà, alors j'ai deux questions complètement différentes. Une plus anecdotique, c'est au lieu de chercher des traitements médicaux, etc., pour compenser le manque d'activité, est-ce qu'on a, ça c'est la première question, est-ce qu'on a cherché à optimiser l'efficacité de l'activité des gens dans l'espace, puisqu'ils ne sont pas seulement, je suppose, à regarder des écrans d'ordinateur ou à manipuler des trucs de ce genre-là. Je vais prendre un exemple idiot. S'ils doivent faire des sorties dans l'espace, il est connu que c'est une tâche fatigante. Est-ce que le fait d'essayer d'en faire plus souvent, quitte à ce que ce soit pour des tâches utiles, pas seulement sortir pour faire du tourisme, serait un facteur favorable? Et alors encore plus farfelu, est-ce qu'ils pourraient se servir de genre vélo d'appartement pour produire une partie de l'électricité qui sert pour certains appareils, par exemple, des choses comme ça? Je vais essayer de faire un deux en un. Quant à la deuxième question, qui est beaucoup plus générale, on pense en général aux effets de la pesanteur, donc au problème justement d'atrophie des muscles, etc. Supposons que on règle ça soit par des organisations améliorées à découvrir, soit en mettant une pesanteur artificielle. Quels sont les autres effets du séjour dans l'espace qui risquent de provoquer des problèmes? Parce que je suppose que le rythme de vie, en n'étant pas exposé au soleil, en ayant éventuellement une exposition aux particules du vent solaire, etc., et tout un tas d'autres choses peuvent avoir des effets en plus de se lier à la pesanteur. Oui, en fait, oui, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, bon, il y a non seulement le manque de pesanteur, mais également le confinement, donc qui joue également et qui provoque une inactivité physique. Mais par contre, les radiations dans l'ISS, c'est vraiment très très faible. Les cosmonautes ont régulièrement des dosimètres avec eux. Il y a eu énormément de mesures faites avec le CEA, qui avait fabriqué des appareils spécifiques pour la Station Spatiale Internationale. En fait, on s'est aperçu que dans la station, il ne se ramassait pas beaucoup plus de particules que si vous faites... À l'époque, c'était des vols qui avaient été faits sur le Concorde, en fait, en passant par le pôle, etc. Et en fait, il se ramassait autant de radiation que dans la Station Spatiale Internationale. Donc, pour Mars, oui, ça serait un problème avec les vents solaires, etc., mais pour la station, non. Il y a une idée qui consistait à... faire davantage de sorties extravéhiculaires, parce que c'est vrai que c'est épuisant, je crois, les sorties extravéhiculaires. Alors, les sorties extravéhiculaires... Parce que le scaphandre est très rigide, en réalité. Oui, mais ils ont quand même beaucoup amélioré le scaphandre et puis son ergonomie. Donc, vous voulez dire qu'il faudrait les rigidifier davantage, en fait. Revenir en arrière. Oui, je pense pas qu'ils soient bien d'accord, mais... mais, grosso modo, le coût énergétique d'une sortie extravéhiculaire a été quasiment diminué par 10 dans les 15 dernières années. Le coût énergétique. Voilà. Donc, il y a quand même 15-20 ans, c'est vrai que c'était une quantité d'énergie, d'oxygène. En plus, c'était très pratique parce que comme ils avaient des tanks d'oxygène dans le dos, on pouvait quantifier extrêmement précisément le coût de ces activités. Ah oui, d'accord. On pouvait suivre Mais c'est plus trop vrai maintenant. Et je pense que s'il y a un travail à faire, c'est vraiment sur, comme vous le disiez, l'optimisation de l'exercice physique en tant que contre-mesure. Et là où c'est difficile, c'est que vous avez ce qu'on appelle les flight surgeons, les médecins de vol, qui sont très attachés aux protocoles classiques dans lesquels l'exercice doit être fait de manière aérobique pendant plusieurs heures, etc. etc. Donc ça, c'est pas encore pour demain, ça, je pense. Et produire de l'électricité pendant qu'on fait de la bicyclette ou pendant qu'on... Ça, c'est une question pour des ingénieurs. Je n'ai pas de réponse. Je ne pense pas qu'ils aient de problème au niveau des panneaux solaires pour produire l'énergie dont ils ont besoin. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des grands panneaux solaires. On pourrait peut-être en mettre un tout petit peu moins quand même. Monsieur. Oui. Bon, moi, j'ai peut-être lancé une idée révolutionnaire, peut-être de science-fiction, peut-être pas. Mais l'absence de gravité peut s'avérer un avantage absolument considérable dans le domaine, par exemple, thérapeutique ou chirurgical. On l'a vu, par exemple, dans la production de cristaux parfaits, par exemple, de diamants parfaits, que l'absence de gravité peut être particulièrement intéressante. Est-ce qu'on pourrait envisager des hôpitaux en orbite dont l'objectif serait des thérapies, par exemple, cardiaques ou des opérations chirurgicales en apesanteur, je pense surtout effectivement aux problèmes cardiaques. C'est-à-dire les avantages de l'antigravité, l'absence de gravité plutôt que les inconvénients. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'expérience hein, sur les opérations dans la station ou ailleurs. Vous parlez d'opérations chirurgicales, là ? Non, on en a simplement. Il y a un chirurgien de la main de Bordeaux qui a fait un vol parabolique et qui a essayé d'enlever un kyste au cours d'un vol parabolique. Donc les vols paraboliques, on a 20 secondes de microgravité et ensuite on remonte, on a 2G, enfin on monte, on a 20 secondes de microgravité, ensuite on a 2G et ainsi de suite. Donc c'est quand même pas exactement la condition de la station. Mais bon, il n'a pas trouvé que c'était particulièrement facile d'opérer pendant la microgravité. Mais c'est extrêmement compliqué, enfin, à moins d'être fixé, oui. Parce qu'on flotte quand même. Il y a quand même des conditions assez draconiennes. Et en plus, bon, il faudrait quand même une station qui soit relativement importante pour pouvoir accueillir un hôpital. Quand on sait qu'on ne peut même pas mettre ni une IRM, ni des radios, ni à l'intérieur de la station, c'est quand même assez exigu. Mais j'imagine s'il s'agit de faire... une opération chirurgicale pour quelqu'un qui a des problèmes cardiovasculaires, la première chose qu'on va faire, c'est pas de l'envoyer dans une fusée pour aller dans l'espace, parce que là, non, pour le système cardiovasculaire, c'est très exigeant. Hein, actuellement, il n'y a pas de problème, puisqu'ils peuvent redescendre. Oui, ça, c'est la thérapie finale, dit monsieur. Voilà. Actuellement, ils redescendent en 2 heures, donc on n'a pas besoin. On a pas de problème, la descente, d'accord, mais la montée... Au niveau opération chirurgicale, non, mais s'il y a un pépin là-haut, on sait que... Ah oui, c'est un pépin là-haut. Non, mais monsieur proposait d'envoyer les malades sur un hôpital orbital. Bah écoutez, je ne sais pas si vous aurez beaucoup de... Si vous aurez beaucoup de candidats. Je ne suis pas sûr que la Sécu soit d'accord dans son état actuel. Bon, ça fait un peu cher l'opération. Ça, c'est un problème annexe. Alors, on a parlé des vols paraboliques. Est-ce qu'on peut rappeler d'un mot de quoi il retourne quand même? On est dans un Airbus. C'est un Airbus A300 aujourd'hui, mais il va... A300, hein. Oui, il va changer, là. Il va changer, exactement. Et donc, on va à 800 km/h, et puis on... L'avion se cabre. L'avion se cabre en l'air, et puis, une fois qu'il arrive en haut, on lâche les gaz. Et puis, pendant quelques instants, l'avion décrit une sorte de cloche pendant laquelle on a 20 secondes d'apesanteur. Et là, vous utilisez ces 20 secondes d'apesanteur, et puis on peut faire 30 paraboles comme ça, hein, 30 petites cloches, comme ça, d'affilée. Et ça, vous les utilisez pour faire des expériences. Quel genre d'expériences est-ce qu'on peut faire ? En fait, c'est des expériences qui se... Enfin, c'est des choses qui se font dans un temps très, très bref, en fait. À 20 secondes, on l'utilise un tout petit peu en neurosciences, donc pour tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Un petit peu en cardiovasculaire. Alors, réalité virtuelle, c'est-à-dire que, grosso modo, on fait faire, pendant les 20 secondes, un petit exercice, un cobaye, voilà. Entre guillemets. Oui. On lui dit, voilà, repère-toi dans l'espace. Là, tends le bras droit, tends le bras gauche, etc. Voilà, et on voit s'il arrive à faire la même chose que sur Terre, voilà. Dans les conditions de gravité. Exactement. D'accord. Puis sinon, un petit peu en cardiovasculaire, simplement pour voir les modifications de pression artérielle et de fréquence cardiaque à chaque parabole. Mais bon, le problème des vols paraboliques, c'est qu'effectivement, on a 20 secondes de micro-pesanteur, mais on a aussi 20 secondes ou 30 secondes de 2G. 2G, donc le double de son poids. On pèse deux fois son plus poids. Lourd, ouais. Donc, quelles sont les conséquences de ces 2G sur le 0G d'avant et le 0G d'après ? Ah oui. C'est pas très net encore. C'est pas très net. On a fait des expériences dans le temps. Enfin, quand j'étais jeune, on faisait des expériences sur tout ce qui était calcium, sortie de calcium, pompe, etc. Donc là, c'est des phénomènes qui se produisent de façon très, très rapide. Donc, en 1 microseconde ou 2 microsecondes, on a le phénomène. Mais pour le reste, c'est pas... On s'en sert également pour tester les appareils. Donc, de temps en temps, avant de monter un appareil qu'on a fabriqué, par exemple, au CNES, pour monter dans l'espace, voilà, on les teste pour voir comment ils vont se comporter. Quand Guillemette Gauclincoff dit monter un appareil, c'est-à-dire le monter dans l'espace, bien sûr. Ouais. Donc, on le teste dans le vol parabolique pour voir comment il se comporte à 0G. On fait également, bon, là, on accueille depuis un an des taïkonautes chinois pour qu'ils puissent s'exercer. Taïkonautes, c'est-à-dire des spationautes, hein, chinois, ouais. Oui, des cosmonautes chinois pour qu'ils puissent s'exercer en 0G dans les vols paraboliques, de façon à ce qu'ils voient un petit peu ce que c'est que l'effet de la pesanteur. Voilà en gros ce qu'on fait dans les vols paraboliques. Parfait. Monsieur avait une question. Oui, c'était juste une toute petite remarque. Tout à l'heure, vous avez supposé que la quantité de sang d'un cosmonaute après un vol de longue durée diminuait. Puisqu'il fallait compenser par un sérum physiologique quelconque. Non, je n'ai pas dit qu'il diminuait. Attends, dans le micro, parce que la répartition est différente. J'ai dit que la répartition était différente. L'organisme considère un peu ça comme une hypovolémie au bout d'un certain temps. Une quoi, pardon ? Une ? Une hypovolémie. Une hypovolémie ? Oui. D'accord. Mais on n'a pas d'hémorragie, le cosmonaute n'a pas d'hémorragie. Hypovolémie, c'est-à-dire que c'est comme si on avait. L'organisme a l'impression qu'on a d'avoir moins de sang. D'avoir perdu du sang. Ah, d'accord. D'autres interventions peut-être? Ah, sur Twitter encore, avec Abby. Ça va, Abby? Ça va, oui. Bon. C'est une question de Remco Timmermans. Oui. Ah, Remco Timmermans. Oui. C'est un tweetos qui nous suit souvent. Oui. Par rapport au niveau de radiation dans l'ISS, il sait qu'il y a des zones plus sûres dans la station, au cas où, mais il veut savoir ce qui se passe avec les récentes éruptions solaires. Ah oui. Pour les astronautes dans l'ISS. C'est vrai qu'on craint ça lors d'un voyage sur Mars. Une éruption solaire peut être tout à fait destructrice et problématique. Et apparemment, il y aurait des zones sur la station spatiale qui seraient un peu plus protégées que d'autres. Mais normalement, dans la station, enfin moi je ne connais pas beaucoup de radiation, la station spatiale internationale, elle n'est pas assez haute en fait pour avoir se ramasser beaucoup de protons et de neutrons au cours des vents solaires. Je crois qu'ils ont une zone aussi qui est plus blindée. Stéphane Blanc. Oui, je crois qu'ils ont effectivement une zone qui est plus blindée que le reste. Mais c'est comme dit Guillemette, le problème c'est que la station tourne, donc l'angle des radiations est différent très rapidement. Je pense que s'il y avait un gros problème de radiation solaire, il serait rapatrié sur Terre très rapidement, plutôt que de aller se planquer dans un coin qui ne serait pas forcément sûr. Bon, très bien. Alors, une question au fond. Oui, depuis tout à l'heure, vous parlez de pression sanguine. Dans l'espace, il y a plein de jeunes hommes vigoureux de 30-40 ans qu'on a envoyés sans femme pendant des mois. Est-ce que la petite érection matinale existe là-bas? Et est-ce qu'on a des retours? Comment dire des retours veineux? Non, pas des retours veineux, d'accord, des retours. Tout. Alors, est-ce que c'est Stéphane Blanc ou Guillemette Gauquelin-Coq qui va s'exprimer non, sur la question? Madame est trop timide pour cette question. Non, honnêtement, je n'en sais rien. Oh. Apparemment, ils ont effectivement dit qu'ils avaient des problèmes d'érection, pour l'appeler tel quel. Voilà. Après, les détails de la vie sexuelle des astronautes, quand on leur pose des questions, ils sourient, mais on n'en sait pas bien plus. Alors, t'as peut-être des... toi, mais moi, ça ne nous regarde pas. Voilà. Donc, et quant à savoir... On a des anecdotes, Guillemette Gauquelin-Coq. On dit des anecdotes. Non, on va pas en parler. C'est quoi ces anecdotes, Guillemette? Non, mais c'est quoi, par exemple? C'est par exemple... Un exemple. Je ne veux pas trahir les collègues. Ah, trahir. Non, mais il s'agit de qui? D'accord, ne nous dites pas quoi, mais il s'agit de qui? Non, c'est pour rire. Est-ce qu'on peut parler de bed rest? On a parlé de l'expérience où des personnes sont obligées de rester allongées longuement. Et là, il s'agit là aussi de... reproduire d'une certaine manière ce qui se passe dans l'espace. Alors, on ne voit pas forcément le lien entre le fait de rester alité et l'espace, finalement, et la vie dans l'espace. En fait, les expériences de bed rest que l'on fait régulièrement, donc on a une clinique spatiale à Toulouse, ça s'appelle le MEDES, dans laquelle on fait toutes les expériences... MEDES, MEDES. Dans lesquelles on fait toutes les expériences au sol chez l'homme. Donc on fait des campagnes de bed rest, donc des campagnes de différentes durées, entre quelques heures jusqu'à 3 mois, dans lesquels on alite les gens 24 heures sur 24, avec un lit légèrement incliné vers le bas, c'est-à-dire qu'on surélève le pied du lit 17 cm, donc les gens sont à peu près à moins 6 degrés par rapport à l'horizontale. Et donc en fait, le pied est un petit peu plus haut que la tête. 6 degrés, ça se sent, c'est désagréable au début? Au début, oui, pendant les 2-3 premiers jours. Bon, ah, carrément, quand même. Ils ont la tête qui enfle, ils ont un petit peu mal à la tête. D'accord. Et en fait, on considère que, bon, on n'a pas d'apesanteur, c'est vrai, mais on considère qu'au point de vue organisme, on simule... on simule la situation qu'ils ont dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a la redistribution sanguine dans la partie supérieure de la tête. Donc vers la tête, on se sert plus de nos muscles, on se sert plus de nos os, etc. D'accord. Donc en fait, on peut simuler, au point de vue physiologique, le manque de pesanteur. Et donc ça se fait. Il y a des expériences bed rest de temps en temps. Vous mettez combien de personnes? Est-ce que vous en général, vous embrigadez comme ça à chaque fois? On fait plusieurs groupes. Donc on a essayé, on a fait sur des hommes, sur des femmes. Le maximum qu'on ait fait en Europe, donc c'est le MEDES qui l'a fait, c'était 3 mois sur des hommes en 2000. 3 mois? Ah oui. Et ils étaient combien? Ils étaient au total 24. En fait, ce qu'on fait, on en couche 12 en même temps, mais on fait systématiquement un groupe contrôle, c'est-à-dire qui est complètement couché pendant les 2 mois ou les 3 mois, qui ne fait aucune contre-mesure, et une ou deux contre-mesures différentes en fonction de ce que les scientifiques veulent tester. Donc il y a un groupe qui ne fait pas de contre-mesure, pas d'exercice ni quoi que ce soit, et un groupe qui, lui, met en œuvre des contre-mesures. Et on a 12 sujets à chaque fois qui sont couchés, enfin qui sont lités pendant X jours. D'accord. On fait ça tous les 2-3 ans à peu près. C'est des campagnes, en fait, c'est des campagnes qui sont faites par l'ESA et par le CNES. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. Oui, et voilà, en contribuant financièrement l'un et l'autre, et en prenant, alors, quelquefois c'est que des Français quand c'est des courtes durées, quelquefois c'est des Européens. Pour le BEDRES de 3 mois, on avait pris en fait des Européens. Donc ils ont les mêmes conditions que dans la station, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des mails, ils n'ont pas le droit à la visite de la famille. Ah, ils n'ont pas le droit à la visite de la famille. Là, on essaye vraiment de simuler les conditions spatiales. Parce qu'au début, quand on faisait les premiers BEDRES, bon, en 85-86, effectivement, il y avait les familles qui venaient, mais bon, quelquefois ça posait certains problèmes. Donc c'est-à-dire parce qu'on a envie de se lever, de prendre... Non, mais une fois, il y en a un qui était complètement retourné parce que sa femme avait cassé la voiture. Enfin bon, de trucs de la vie de tous les jours, quoi, en fait. Donc il faut mieux qu'il sache. Donc il reste 24 heures sur 24 dans ces conditions-là, pour la toilette, pour le manger, pour absolument tout. Et on prend des douches à moins 6 degrés. Oui. Enfin, à moins 6 degrés, pas la température. Hein, moins 6 degrés, c'est moins 6 degrés... Sur un matelas spécial douche. D'accord. Bon, et alors là, ça vous en apprend sur justement les contre-mesures efficaces ? Ben, pas complètement, puisqu'on n'a pas encore trouvé. Ah voilà, c'est ça. On est toujours en train de chercher. On cherche, oui. On apprend que. Donc on a certaines contre-mesures. On apprend qu'on n'a pas encore trouvé. Voilà. On a certaines contre-mesures comme les centrifugations là, que vous avez sur le. Alors, la centrifugation, alors c'est le, ce qu'on voit en bas à gauche. Puis qu'est-ce que c'est ça ? En fait, on a fait une expérience de 5 jours où on a centrifugé les gens pendant tous les jours pendant une demi-heure, ou alors 5 fois 6 minutes. Ce sont des gens qui étaient en bed rest. Hein, voilà, qui étaient... pour voir si effectivement on arrivait à contrecarrer l'effet du bed rest. Donc on s'est aperçu qu'en faisant des petites centrifugations tous les jours, c'était déjà mieux qu'une centrifugation de 30 minutes. Le problème, c'est qu'il y a un grand programme pour monter une centrifugeuse dans l'espace, mais que pour l'instant, on n'a pas encore, on n'a pas encore trouvé la solution. La solution, attendez, de financière, vous voulez dire ou... Les deux. Ou technique Les deux. Oui, parce qu'il faut de la place quand même. Hein. Oui, il faut de la place. Ah oui. Et ce serait intéressant, physiologiquement ? Ben, ça serait relativement intéressant, oui, parce qu'on recrée quand même la gravité, là encore. Ouais, ouais, ouais. Donc en fonction de la vitesse à laquelle on fait tourner, en fonction du jet que l'on applique, etc. On le fait régulièrement, en fait, on a des petites centrifugeuses, en fait, pour toutes les expériences sur les plantes, par exemple, et c'est automatiquement, c'est automatiquement un contrôle en vol. Donc comme ça, on peut tester tout ce qu'il y a en dehors de l'absence de gravité en vol. Alors les expériences bed rest, Stéphane Blanc, c'est utile, important. La centrifugation aussi, ça marche ? Alors la centrifugation, comme disait Guillemette, c'est probablement quelque chose qui est à creuser, parce que comme elle l'a dit, ça reproduit véritablement la gravité en soi. Et ce qui serait intéressant, c'est ce que vous avez sur la photo, c'est de combiner cette centrifugation à de l'exercice physique, parce que là vous reproduisez... Alors attendez, qu'est-ce qu'on a sur la photo ? Vous avez quelqu'un qui peut faire du... qui peut pédaler là. Ah, hein, il pédale ? Il pédale, d'accord. Donc là, vous avez, vous rajoutez... Mais là, est-ce qu'il produit de l'énergie ? Non, c'est pas ça, d'accord. Ah bah si, il va forcément consommer de l'énergie. Oui, il la consomme, mais est-ce qu'il l'en produit ? Ah, ça c'est une pour la station, c'était la question de monsieur tout à l'heure. Donc oui, disons que le gros avantage des expériences d'alitement prolongé chez l'homme, c'est que vous disposez d'un nombre suffisant de sujets, rapidement, que vous êtes en milieu contrôlé, donc vous êtes capable d'étudier les mécanismes d'adaptation à l'alitement, mais vous êtes aussi capable de tester des contre-mesures efficaces, entre guillemets, et vous êtes également capable d'étudier ce qu'on appelle la récupération lorsque les sujets se lèvent. Donc on est capable de tester en fait toutes les phases d'adaptation de l'astronaute. Impressionnant. Et là vous avez une prochaine campagne bed rest qui va commencer bientôt ? En 2015, on va faire un bed rest de 2 mois. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez étudier comme contre-mesure, là ? Alors ça, c'est la contre-mesure mise au point par Stéphane. Donc c'est tout un cocktail qui va vous expliquer. Alors c'est là où on va parler d'un peu de chimie. Voilà. Il y a en 2006 une étude assez marrante qui est sortie par une équipe de Strasbourg, le professeur Auverx. Et ils se sont amusés à tester une molécule qui s'appelle le resveratrol. Resveratrol, vous en avez tous probablement entendu parler dans les journaux. Donc c'est un polyphénol que l'on retrouve dans la peau de raisin, dans les cacahuètes, dans le vin rouge, donc forcément. Et il a réussi à montrer que... Je peux pas vous interrompre, on en a entendu parler à l'époque où on parlait du French Paradox, c'est ça ? Alors, ça serait en partie ce qui explique le French Paradox. Alors, le French Paradox, il faut rappeler ce que c'est. Le French Paradox, c'est le fait que les Français ont proportionnellement une prévalence des maladies cardiovasculaires beaucoup plus faible que nos copains européens. Donc, on n'est pas tellement touché par les maladies cardiovasculaires. On est moins touché qu'eux, ouais, ouais. Alors même que l'on boit plus d'alcool et on mange beaucoup plus gras. Ah ! Voilà. Et donc, ce que ce monsieur a montré à Strasbourg... Et donc, c'est... on supposait éventuellement que c'était le vin rouge consommé voilà, dans des proportions... Voilà, c'était les tanins qui ont... voilà. Voilà. À l'intérieur desquels, il y a des polyphénols, dont le resvératrol. Voilà. Donc, on a supposé à une époque que le resvératrol était peut-être cette molécule, entre guillemets, miracle, si je peux dire, qui permettait de manger plus gras, mais sans avoir... Alors, c'était pas son hypothèse non. à la base. Non, pas son hypothèse à lui, mais je pense... À un moment donné, on s'est posé la question. On s'est posé la question, et ce que lui surtout a réussi à montrer de manière très claire et de manière très jolie, c'est que si vous mettez des souris en régime, on va dire, hyperlipidique, hein, donc en régime cafétéria, snack, McDonald's, C'est pas bon ça. Voilà, c'est pas bon, les souris prennent du poids, elles deviennent obèses, elles ont tous les problèmes cardiovasculaires métaboliques qui sont associés. Mais par contre, si vous les mettez dans ce même régime et que vous leur donnez du resvératrol sous forme de petites pilules à ingérer tous les jours, eh ben elles prennent deux fois moins de poids que les autres. Deux fois moins de poids, deux fois c'est moins énorme. De poids que les autres. Elles vivent potentiellement un peu plus longtemps. Ah oui. Et elles n'ont aucun des problèmes que l'on observe chez les souris obèses. Donc c'était un papier un petit peu princeps. Ah oui. Depuis, on a montré que chez l'homme, c'était bien plus compliqué, que c'était pas forcément aussi efficace. Ah, mais on s'est ça. Demandé quand même si chez voilà. l'homme, ce serait la même chose. Et nous, ce qui donc, nous a... il y a eu des tests qui ont été menés chez l'homme depuis, ouais. oui, énormément. Ah oui. Et les résultats sont pas très concluants. Chez des personnes quoi, qui sont en train de prendre du poids. Tout. Ouais. Des personnes diabétiques, des personnes ayant des problèmes cardiovasculaires, simplement des personnes qui font de l'exercice, etc. Et ce qui était très intéressant dans cette étude, c'est que... comment ça se fait qu'on a cette différence entre le rat et le Et l'homme, c'est que voilà, les rats sont pas... Ah, déjà, vous avez des problèmes de dose. Les doses qui sont utilisées chez l'animal sont toujours plus importantes que ce qu'on utilise chez l'homme proportionnellement. Donc les doses qui étaient données dans cette étude sont équivalentes à 28 litres de vin bu par quelqu'un par jour. Ah oui, d'accord. Donc il faut s'accrocher. Donc voilà. On peut avoir d'autres problèmes. Si voilà. On... voilà, d'accord. En même temps, ça correspond peut-être que à 50 kilos de cacahuètes. 50 kilos de cacahuètes, oui, ça se mange. Il faut commencer de bonne heure le matin. Et ce qui était surtout intéressant pour l'aspect spatial dans cette étude, c'est que les souris qui étaient sous traitement de resvératrol prenaient plus de muscles et surtout avaient une proportion de type de muscles, comme Guillemette vous l'a dit en début, qui était beaucoup plus orientée vers un métabolisme pouvant soutenir de l'exercice à long terme, c'est-à-dire de la course à pied ou ce genre de choses. Hein. Parce que le muscle est hétérogène, il est composé de différents types de fibres en fonction du type d'activité que vous avez l'habitude de faire. Et donc c'est pour ça que nous, on s'est intéressé à cette molécule et que l'on l'a testée chez l'animal lors de simulations d'impesanteur. Il y a des expériences similaires que l'on peut faire, comme l'alitement prolongé chez l'animal. Et ce que l'on a observé contre toute attente, et bien c'est qu'effectivement, la molécule nous permettait de contrecarrer complètement la perte d'os, la perte de muscle, la perte de force musculaire, qu'il n'y avait aucun des... Ça, c'est chez le rat, on est d'accord. C'est chez le rat. Okay. Il n'y avait aucun problème sur tout ce qui concernait le métabolisme à proprement parler. Et donc on s'est dit, là, on a quelque chose d'assez intéressant. Et avec le resvératrol, c'est ça ? Avec le resvératrol. Et on a proposé à l'Agence spatiale européenne et au CNES de faire la même expérience chez l'homme lors d'alitement prolongé pour voir si on avait des effets qui s'y rapprochaient. C'est ça qu'on va faire en 2015, voilà. Donc avec du resvératrol, mais pas seulement du resvératrol. Alors. Non, on ne veut pas se contenter du resvératrol, parce que par contre, ce que nous montre la littérature chez l'homme, et en particulier chez les personnes qui sont en surcharge pondérale, c'est que dès que vous vous intéressez à des molécules qui sont antioxydantes, hein, des polyphénols, si vous les associez entre elles, vous avez des effets qui sont bien plus importants que si vous en prenez une seule. Donc dans cette étude-là, seront testés différents mélanges de notre polyphénol, comme par exemple le fameux resvératrol, mais également des extraits de thé vert, des extraits le de... Le thé vert, c'est bien, c'est bon pour, Le thé vert, c'est très bon. C'est un très bon antioxydant. D'accord. Voilà, vous avez des extraits de tomates, des extraits d'agrumes, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous espérez ? Quel résultat serait encourageant pour vous ? On espère avoir la contre-mesure fantastique qui évite de faire de l'exercice physique. Avec une seule pilule. Évite de faire de l'exercice physique. Avec une seule pilule. Et qui évite de faire de l'exercice physique dans l'espace, mais sur Terre aussi. Ah ben ça, ce serait l'idéal. Non, mais si ça marche dans l'espace, et en bed rest, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas sur Terre, si ? A priori, il y aura peut-être des effets un peu différents, mais oui, il y aura probablement un transfert possible. Oui. Transfert possible, donc, de cette recherche de l'espace sur Terre avec cette éventuelle... cocktail miracle. Xavier. C'est bien cette petite pause musicale que nous offre Xavier. D'autres interventions, est-ce que cette question là de la chimie qui viendrait tout résoudre vous a intéressé, tout simplement, monsieur? Passionnant. Et je vous pose une autre question. Est-ce que la vie sous-marine, les chercheurs qui travaillent là-dessus, travaillent aussi aux corrélations avec la vie dans l'espace? En fait, oui, on travaille un petit peu. Enfin, il y a certaines équipes qui travaillent avec les sous-marins, mais c'est plus pour voir l'effet confinement. En fait, sur tout ce qui est hormonal, stress, manque de lumière naturelle, etc. Quand on est dans un sous-marin nucléaire pendant 6 mois... Il y a quand mois, même beaucoup Oui, il y a énormément de logique, enfin de choses qui se ressemblent. Très important de parler de l'actualité. On a fait un vol d'un an dans l'espace, c'était il y a 25 ans, Titov et Manarov. Il y avait Jean-Loup Chrétien, le 12e mois, qui était à bord. Il y avait Polyakov, médecin de bord, qui faisait un vol de 8 mois. On va refaire, à partir de l'année prochaine, un vol de longue durée, un vol d'un an avec un Américain et un Russe. Alors j'avais une question, parce que j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on va aller essayer d'aller chercher le record Polyakov? Est-ce qu'on dépassera les 15 mois dans l'espace un jour, à votre avis? Moi, je pense qu'actuellement, ce n'est pas d'actualité au niveau de l'ISS, puisque pour l'instant, le maximum qu'on est autorisé, c'est un an. Donc je pense que pour l'instant, on ne va pas encore battre le record de Polyakov avant un moment. Ça sera simplement quand on ira sur Mars, où là, on est obligé, effectivement, de faire des manips de très longue durée. On est resté 20 ans, même 25 ans, 20 ans sans faire de vol de un an dans l'espace. Alors, moi, la réponse que j'entends souvent, c'est la durée de vie du Soyouz pour les relèves d'équipage. Et il y aurait eu un veto, une décision des Américains qui aurait interdit les médecins russes, c'est de refaire des vols de très longue durée à bord de la station commune. Parce que c'est ça, la réponse. Mais c'est ce qui se dit, oui, effectivement. C'est ce qui se dit, mais vous confirmez ou... C'est ce qui se dit. Moi, je ne connais pas au niveau aussi élevé les relations entre les Russes et les Américains, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Ce qui est simulé actuellement, c'est par les Russes avec la mission Mars 500 l'année dernière, c'était 500 jours de confinement avec un semblant de montée, d'arrivée sur Mars et de redépart de Mars au bout de 3 semaines, donc avec des gravités qui changent, etc. Mais c'est tout. Pour l'instant, on ne peut que simuler le confinement et l'inactivité physique, etc., ce qui est quand même le plus important sur l'organisme, beaucoup plus que le manque de pesanteur, en fait. Donc ça, c'était l'expérience Mars 500, 6 personnes enfermées pendant 520 jours dans la banlieue de Moscou. Dans Moscou, c'est à l'IMBP. À l'IMBP, d'accord. Donc 6 personnes, un Français, Romain Charles. Ça vous intéressait, cette expérience? On a plusieurs. Enfin, moi, j'avais négocié avec les Russes pour essayer d'avoir un certain nombre de prélèvements, etc., d'expériences. Donc oui, on avait 3 ou 4 laboratoires français qui ont travaillé dessus, donc essentiellement cardiovasques. En cardiovasculaire, pardon, en psycho, et puis sur les os et les muscles. Et effectivement, oui, en fait, ils avaient fait, il y avait trois Russes, un Chinois, un Français, un Italien, et un, Un Italo-Colombien, Italo-Colombien, et un Chinois, voilà. Oui, un Chinois, de Français, Russes, et Français. Puis le reste, c'était des Russes. Et c'était qu'un équipage mâle, enfin, que oui, des hommes. Oui, que des hommes. Et effectivement, ça s'est très, très bien passé. Autant, mais les Russes sont quand même très habitués à tout ce qui est confinement, puisqu'ils en font régulièrement, on participe régulièrement. Il y a eu Sphinx, il y a eu plein de manips comme ça. Jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas toujours bien passé. Pour Mars 520, si ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Ah non, pour les autres, non. Ça s'est terminé pratiquement plus là pour certaines. Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous mettez un Canadien avec un Russe, un Canadien et un Japonais ensemble, trois hommes plus une femme qui était canadienne, bon, si vous voulez, je pense que les Russes et les Japonais n'ont pas la même façon de se comporter, quoi. Donc ça, c'est un peu mal terminé. Donc là, on jouait un petit peu avec le feu, quand même. Mais c'est-à-dire, non, parce qu'en fait... À la Russe, non ? Non, mais l'équilibre, enfin, au niveau international, dans la Station Spatiale Internationale, c'est quand même des équipages internationaux. Hein. Donc il arrive que des Russes soient avec des Japonais, bon, pas encore des Chinois, mais ça arrivera peut-être un jour, des Européens, etc. Donc il faut aussi simuler ce genre de choses. Mais quand même, ils s'entraînent ensemble pendant un an, pendant deux ans, ils apprennent à se connaître. Oui, mais je pense que la mentalité reprend le vide là-dessus, hein, au bout d'un certain temps, bon... En plus, avec le fait d'être confiné, nous, on se rend bien compte, quand on est dans des tout petits appartements, on supporte moins que quand on est dans une villa de 100 000 m2. Hein, donc, Et donc la différence culturelle joue un rôle dans la santé psychique quand on est en milieu confiné ? En psychologie, oui, ça joue beaucoup. Ça vous intéressait aussi, cette expérience, Mars 500, Stéphane Blanc ? Non, nous n'avons pas participé parce qu'on... On était débordés. On était effectivement impliqués sur d'autres manifs et on ne pouvait pas se dupliquer. Ouais. Voilà. J'ai eu, vous qui êtes, connaissez bien les questions de métabolisme et de nutrition, il y avait apparemment une expérience qui a pas mal touché Romain Charles, qui consistait à... il y avait un régime très, très... qu'il fallait, suivre... de façon très sévère, si je peux dire, en ce qui concerne le sel. Parfois, on pouvait mettre autant de sel qu'on voulait, parfois, au contraire, on était très réduit en sel. Vous avez suivi ça, non ? Alors, j'ai suivi ça, mais très anecdotiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type d'expérience, les sujets deviennent leur propre nombril. C'est-à-dire leur propre nombril. Je ne sais pas comment tourner ça, mais ils deviennent un petit peu narcissiques parce que les pauvres sont confinés dans un lit ou confinés dans une toute petite pièce. Dans un lit, c'est-à-dire dans Bedrest aussi. En Bedrest ou dans Mars 500, c'était dans dans quelque chose qui représentait un petit peu la mission sur Mars. Et dans ces cas-là, tous les détails deviennent importants. Donc effectivement, quand vous mettez un plateau devant le nez d'un sujet, si ce n'est pas ce qu'il aime, vous pouvez avoir des représailles assez importantes. Donc c'est une négociation tous les jours lorsque la nourriture est contrôlée, qu'il y a des protocoles de nutrition qui impliquent d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément à leur goût. Et vous parlez d'une espèce de propension à l'égocentrisme dans ces conditions-là, c'est ça ? Oui. Je comprends pas, moi. Je rêve pas imaginer ça. Vous êtes invité dans le lit, vous lisez toute la journée, vous êtes sur votre ordinateur. On s'enquiquine, vous pouvez vous enquiquiner. Justement, quand vous enquiquinez, c'est comme les rats dans les cages, vous cristallisez sur deux, trois choses. Et effectivement, ce qui vous amène un petit peu de plaisir dans la journée, c'est les trois repas de la journée. Alors justement, vous nous dites, c'est ton repas, ce sera sans sel. Donc si le repas ne correspond pas aux attentes, effectivement, il faut négocier. D'accord. Et on négocie comment ? Ils ont Parce que Guillemette Gauquelin-Coq dit justement, ils ne peuvent pas négocier leur repas. Non, ils ne peuvent pas négocier, mais quand il y a des expériences de nutrition pure et dure, leur repas est vraiment imposé et ce n'est pas forcément des repas très bons. Hein. Donc dans ces cas-là, vous envoyez... Ça fait partie de l'expérience que les repas ne soient pas bons, spécifiquement C'est-à-dire que... Non, c'est pour rien que je dis ça. Non, c'est pas le but. Mais ce n'est pas tous les jours de la semaine, effectivement. Mais ce n'est pas toujours facile, oui. D'accord. Et donc, pour quelqu'un qui voudrait faire une expérience bed rest, c'est... C'est exigeant pour le psychisme. Parce que là, il y en a qui durent trois mois quand même, rester allongé. Non, en bed rest, c'est pas très exigeant. Si vous voulez, ils sont dans des chambres d'hôpitaux, ils ont quand même beaucoup de visites, les aides-soignantes, les infirmières, les masseurs tous les jours, les médecins. Il y a des masseurs ? Oui. Pour leur petit dos quand même. Masseuses plutôt. Vous voulez dire que vous allez bientôt envoyer des masseurs dans l'espace aussi ou pas ? Non. Non, c'est simplement pour les sujets en bed rest. Bon, les scientifiques, ils sont quand même très occupés toute la journée. Ah, ils sont très occupés. Parce qu'avec tous les examens médicaux, vous savez, c'est quand même des expériences qui coûtent relativement cher, donc on remplit quand même bien les journées pour faire un maximum de manip en un minimum de temps. Ah oui, d'accord. Donc ils ont des IRM, des choses comme ça, jusqu'à minuit. Ils ont des IRM du soir, toujours à moins 6 degrés les IRM. Ah oui, d'accord. Dans tous les confinements, on s'est aperçu qu'il y avait trois phases à peu près. Donc il y a la phase d'euphorie au début, qui dure à peu près un tiers du temps, ils sont contents, c'est nouveau. Après, pendant le deuxième tiers de temps, ils s'ennuient, et on l'a vu beaucoup dans les confinements russes. Et dans la troisième partie, ils sont contents parce qu'ils sentent l'acquis, ils se disent, bon, dans tant de jours on s'en va, ils commencent à compter les jours. Donc là, effectivement, il y a vraiment, les psychologues vous diront qu'il y a vraiment trois phases très, très différentes en fonction pour les confinements ou pour les bed rest. Oui, deux questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu des expériences donc sur les vols de longue durée, sur le vieillissement cellulaire dans l'espace et aussi sur la reproduction dans l'espace? Alors, sur le second volet, je sais que Michel Viseau a fait des tests, je crois, sur des tout petits organismes, mais est-ce qu'il y a eu des expériences sur des mammifères? En fait, il y a eu des expériences faites par les Russes dans les biocosmos, c'est-à-dire que c'est des véhicules automatiques, donc dans lesquels, à l'époque, il y avait deux singes et des rats ou des souris qui montaient. Les vols étaient d'à peu près 15 jours. Donc, il y a des expériences de fête. 15 jours dans l'espace et ils reviennent ensuite sur Terre, voilà. Des vols automatiques. Voilà. Et en fait, il y avait des manips de fête avec des rats. Alors, soit les rats étaient gestantes et elles montaient et elles accouchaient là-haut. Soit elles faisaient leurs petits là-haut, elles étaient accouplées là-haut et elles accouchaient sur Terre. Parce que je crois qu'une souris, c'est autour de 20 jours la grossesse. Donc, en fait, voilà, il y a eu ces deux genres de manips. Il y a eu très peu de modifications, en fait. On a trouvé très peu de modifications. Il y avait aussi toutes les expériences sur les pleurodelles qui avaient été faites à l'époque de Claudie. Et on s'était rendu compte... Alors, Claudie, c'est Claudie Andrédéhay, devenue Claudie Aigneret. Oui. Et les pleurodelles, ça ressemble à quoi, une pleurodelle? C'est une salamande. Et en fait, il y avait des expériences qui avaient été faites. Et on s'était rendu compte que, bon, au bout de... Il y avait donc, après la fécondation, il y a donc une séparation en deux des cellules, ensuite en quatre, etc. Et les cellules étaient effectivement bien séparées en deux, en quatre, etc. On se posait la question, hein, comment cette multiplication cellulaire allait se faire. Voilà, comment est-ce que ça allait se mettre, et puis comment les chromosomes allaient se mettre à l'intérieur de la cellule, s'ils allaient tous partir sur un pôle pour faire des cellules à quatre chromosomes, puis d'autres à zéro, enfin bon. Si ça allait être... En fait, non, c'était très bien coupé, et il y a eu sur au moins 10 ou 12 générations après sur Terre, puisqu'en fait, c'était fait en 99, elles viennent juste de mourir, les salamandes, donc avec la reproduction, avec des petits, etc., et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas énormément de modifications. Le vieillissement des cellules. Est-ce qu'il y a des différences? Ben, si vous voulez, c'est fait essentiellement au niveau des différents organes. Donc les gens qui regardent les os, ils travaillent également sur la cellule osseuse. Les gens qui travaillent sur le muscle, ils travaillent également sur la cellule musculaire, etc. Donc en fait, c'est fait organe par organe. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un vieillissement accéléré. On prend des cellules de chaque organe, c'est ça? On prend des cellules de chaque organe? Les gens qui travaillent sur l'os, ils travaillent sur les cellules d'os. Voilà, sur les cellules osseuses, cellules musculaires, etc. C'est ça. Et donc, on envoie, évidemment, on peut envoyer des petites boîtes de pétri avec des cellules à l'intérieur. Oui. OK. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'expériences de fait comme ça. Alors, j'ai une intervention de mademoiselle. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis donc soignée grâce à l'espace. Et l'intérêt aussi de l'ISS, c'est travailler en microgravité. Vous avez beaucoup parlé des cellules, mais notamment, qu'est-ce qu'on peut voir concrètement sur ces cellules en microgravité? Quel est l'intérêt de les visualiser dans l'ISS et non pas sur Terre? Et j'aimerais revenir justement aux recherches, notamment contre le cancer, puisque c'est tout l'intérêt justement d'être là-haut pour avoir certaines visions des cellules et de leur comportement. Donc voilà, quelles sont vraiment les répercussions sur ce qu'on peut faire au sol? Puisque voilà, je reviens quand même au sujet, c'est soigné grâce à l'espace. Donc le cancer, c'est un des exemples. Mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres maladies, peut-être des vaccins notamment que vous cherchez. Voilà. Mais quelles sont vraiment des expériences beaucoup plus concrètes qui auraient des applications sur Terre? Et quelles sont-elles? Et pourquoi c'est intéressant d'être dans l'ISS pour les faire? Non, mais en fait, si vous voulez, il y a très peu d'expériences de fait in situ. Hein. Les expériences sur les cellules, etc., elles ne sont pas faites dans la station, parce qu'il n'y a pas le matériel pour les faire dans la station. Donc en fait, elles sont faites quand on redescend sur Terre. Bon, effectivement, on a beaucoup parlé dans les années... C'est-à-dire qu'on envoie des cellules dans l'espace et qu'on attend qu'elles soient sur Terre pour les observer, c'est ça que vous dites? Il y a quelques fixations. Qu'est-ce que c'est une fixation? En vol, ben, c'est-à-dire qu'on fixe les cellules pour qu'elles restent dans l'état qu'elles sont en étant là-haut avant de redescendre. Des congélations, etc., mais pas énormément. Bon, il y a un certain nombre d'années, effectivement, on avait parlé qu'on avait fabriqué des médicaments, qu'on avait soigné toutes les maladies, etc. Ah oui, c'est ça, il y a 20 ans, là, on disait... On n'a rien fait du tout et on fera rien, probablement. Ça coûte trop cher, de toute façon. Puis je pense que le cancer a d'autres causes. Mais quand même, vous avez écrit une note à l'Académie des sciences dans laquelle vous décrivez effectivement les travaux qui sont menés en médecine spatiale et vous avez parlé vous citez le cancer, quand même. Apparemment, on devrait pouvoir réaliser des travaux dans l'espace qui pourraient avoir des... Oui, on peut toujours faire, mais... des bon. Intérêts pour le cancer? Alors, pour le cancer, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je vais en parler avec beaucoup de bémols. Vous trouverez dans la revue Nature, qui est, on va dire, assez accessible, des revues récentes qui sont effectivement tournées sur l'intérêt de la physiologie spatiale pour aborder de manière originale le cancer. Le détail des expériences, je ne les connais pas. Le seul avantage que l'on peut avoir, effectivement, c'est que l'absence de gravité va perturber l'intégralité de ce qu'on appelle l'architecture interne de la cellule et que dans certains cancers, c'est fortement impliqué. Alors maintenant, pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a comme intérêt au sol de l'étude dans l'espace ? Je dirais que simplement quand vous allez chez votre médecin et qu'il est capable de vous faire une échographie grâce à un appareil portable, c'est grâce à la physiologie spatiale. D'accord ? Vous avez beaucoup d'équipements miniaturisés qui sont issus de l'expérience spatiale. Tout ce qu'on appelle le biologging, c'est-à-dire les petits appareils que l'on peut embarquer sur n'importe qui pour mesurer de nombreuses variables physiologiques, comme la fréquence cardiaque, la température, etc., c'est également issu de la médecine spatiale. Après, pour tout ce qui est au sol, je reviens sur ce que je disais au départ, pour tout ce qui concerne le vieillissement, les conséquences de la sédentarité, il n'y a pas de meilleur modèle à l'heure actuelle que les expériences d'alitement prolongé. D'ailleurs, si vous regardez la littérature là-dessus, très fréquemment, la recherche spatiale est citée dans les explications des adaptations à la sédentarité, tout comme dans ce qu'on appelle les contre-mesures à la sédentarité. Et je vais même plus loin, il y a les Américains qui ont montré, de manière extrêmement nette, que des sujets qui avaient été étudiés il y a 40 ans en bed rest, d'accord, présenter à ce jour le même état physiologique que celui qu'ils avaient à la fin du bed rest il y a 40 ans. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que le vieillissement accéléré qui était induit par le bed rest correspond à l'état physiologique des personnes 40 ans après. Donc ça correspondait à 40 ans de vieillissement. Donc je suis resté 3 mois couché. Et finalement, je me retrouve. Cet état, et ensuite je récupère évidemment, voilà. Mais je vais retrouver cet état-là 40 ans après, voilà. Par le vieillissement naturel. Et donc l'intérêt des modèles de biologie spatiale pour la médecine commence à prendre une telle ampleur qu'à l'heure actuelle, l'Institut américain du vieillissement comme l'Institut canadien du vieillissement se tournent vers ces modèles-là pour essayer d'appréhender de manière originale la biologie du vieillissement et de tester encore une fois des contre-mesures qui peuvent être appliquées chez la personne âgée. Hein, sachant que la personne âgée, c'est l'un des grands défis pour 2050, puisque les populations sont en train de vieillir. Donc il y a vraiment une intrication là, entre le spatial, le terrestre. Complètement. Finalement, oui. Ben, en fait, il y a des contre-mesures, par exemple, qui ont été mises au point pour les os, c'est tout ce qui est vibration. Donc ça vient vraiment du spatial. Hein. C'est vraiment les. Ça a été testé dans l'espace ? Ça a été testé dans l'espace et actuellement, c'est mis en routine, en fait, dans certains hôpitaux. Comme à Saint-Étienne, avec le labo avec lequel on travaille, pour tout ce qui est réadaptation des petites mémées qui sont cassées le col du fémur, etc. Donc en fait, on les fait vibrer comme ça pendant une demi-heure sur des plaques tous les jours, et en fait, on s'aperçoit que l'ostéoporose diminue énormément et récupère un certain pourcentage de leur os. Donc voilà une contre-mesure qui marche. Vous aviez l'air de dire qu'on n'y arrivait pas tellement. Non, mais d'accord, mais en fait, s'il faut faire une demi-heure de vibrations par jour dans l'espace, ça fait quand même beaucoup. Juste en fait, pour au sol, ça marche très bien. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a toute une quantité de programmes comme ça qui ont été faits. Bon, pareil pour les instruments dont parlait Stéphane. En fait, il y a eu des appareils qui sont faits pour faire de l'ostéodensitométrie osseuse qui ont été tellement miniaturisés. L'ostéodensitométrie, c'est l'appareil qui permet de voir déterminer l'état de vos os. C'est ça, oui. On s'est rendu compte, en fait, ça a été miniaturisé à l'extrême pour monter dans la station, puisqu'en fait, on paye au prix du kilo et on n'a pas beaucoup de place là-haut. Donc, en fait, on est obligé de miniaturiser un minimum les appareils. Et ces appareils-là, qui sont hyper performants, sont actuellement dans les hôpitaux. Donc, en fait, c'est tout des retombées. Bon, on dit que les Doppler, c'est pareil. Les Doppler, les Holter, etc., ça a été fait au départ pour l'espace. Bon, actuellement, le CNES miniaturise un maximum les appareils cardiovasculaires de façon à étudier l'ensemble du système cardiovasculaire avec simplement 4 ou 5 tout petits instruments qu'on met autour de la ceinture et qui est quand même très utile pour les malades tous les jours dans les hôpitaux, etc. Puisque le malade peut avoir ce petit appareil-là pendant 24 heures, même chez vous, vous pouvez l'avoir et vous donnez la feuille au médecin, il regarde dans quel moment vous avez des pics de tension artérielle, etc. Donc en fait, on y voit pareil, on a quand même énormément de retombées spatiales. Et pareil pour les ergomètres, il y a des ergomètres qui ont été faits spécialement pour... Qu'est-ce que c'est un ergomètre ? On pourrait expliquer un ergomètre, en fait, c'est pour... Oui, c'est un rameur. Un rameur, genre de rameur. Ça, je connais et ça. En fait, ça a été fait au départ pour la station. Et maintenant, en fait, on s'en sert. Moi, j'en ai dans un peu dans toutes les maisons de réadaptation, de gens qui ont des accidents de voiture, dans les maisons de vieux, etc., de personnes âgées, etc. Donc, en fait, il y a toute une quantité d'instruments comme ça qui ont été faits et qui permettent d'améliorer la vie de tous les jours de la planète. Il y a cette question là de la miniaturisation qui est vraiment importante, parce qu'effectivement, quand on miniaturise ce genre d'instrument, ça veut dire qu'on va pouvoir le porter, on va pouvoir être suivi davantage. Il y a aussi tout ce qui est téléopération, télé-échographie. Là, on est en train de mettre au point un système pour faire de la télé-échographie, c'est-à-dire qu'il y aura simplement dans la station le bras, si vous voulez, de l'échographe, et puis de l'autre côté, en bas, au sol, il y a le médecin échographe qui dira à l'astronaute tourne à droite, tourne à gauche, etc. Donc en fait, ça permet de beaucoup moins spécialiser les astronautes, parce que c'est un certain temps pour ces gens-là pour apprendre, etc. Ils n'auront plus besoin d'apprendre. Et non, j'ai pas besoin d'apprendre comment utiliser l'échographe. Non, parce qu'il n'y aura pas besoin l'échographie d'apprendre. L'échographie va être faite par un médecin sur Terre. Au sol, qui dira va à droite, va à gauche, c'est parfait, l'image est bonne, etc. En fait, tous ces instruments de télégraphie servent actuellement dans la région de Tours, puisque c'est un professeur de la faculté de médecine de Tours qui a mis au point, et ça évite tous les gens de la campagne environnante sur 30 ou 50 km de venir à Tours soit faire une échographie parce qu'il a mal au ventre un soir. En fait, il y a des robots qui se promènent un peu dans tous les cabinets médicaux, et le médecin n'a qu'à aller chez son médecin dans la maison patient, médicale, ouais. Et on lui dit non, bon, c'est rien, vous n'avez pas besoin de prendre l'ambulance pour aller. Donc en fait, c'est tout des améliorations comme de la vie de tous les jours pour un certain nombre de gens. Faire 60 km pour aller passer une échographie à Tours, bon, on aime mieux rester chez soi. Ça, c'est en train de se développer, évidemment, la télémédecine, hein, y compris c'est aussi sol. Grâce aux satellites, c'est grâce à tout ce qui est spatial, etc., tout ce qui est télémédecine. Et il y a le cœur artificiel. Écoutez, on va prendre une autre question. Vous voulez poser une question aussi? Oui. J'avais une question, mais c'est effectivement presque hors sujet, comme disait la jeune fille. Vous parliez des expériences psychologiques et des freins liés au confinement sur les vols longue durée. On a vu dans les expériences longue durée en Antarctique, par exemple sur la station Concordia ou dans les bases subantarctiques, que la féminisation des bases depuis une dizaine d'années apaisait beaucoup les tensions et était finalement bénéfique. Donc comment se fait-il que la plupart des expériences encore menées aujourd'hui, comme sur Mars 500, ne soient pas mixtes, et qu'en est-il des projets futurs, notamment sur les vols longue durée? Est-ce qu'une mixité, pas seulement culturelle, mais aussi des sexes, pourrait être bénéfique? Non, mais actuellement, les vols dans la station spatiale internationale sont mixtes. Il y a des femmes et des hommes. En fait, les expériences qui s'étaient mal passées, c'était des expériences qui avaient été faites donc avec les Russes. Alors, ce qu'il faut pas, c'est un nombre, c'est 3 personnes, parce qu'automatiquement, il y en a 2 qui vont se mettre contre la 3e. Donc ça, c'est très mauvais. Ou il y en a un qui a l'impression que les 2 autres l'excluent. Exactement. Mais en fait, c'est pas tellement un problème qu'il y ait une femme, qu'il y ait 2 femmes, etc., qui pose les problèmes à l'intérieur des confinements. Nous, on a assisté à des confinements où il y avait 6 hommes. Au départ, il y avait donc une nationalité européenne, enfin 6 nationalités européennes différentes, et systématiquement, bon, c'est tombé sur l'allemand, c'est l'allemand qui était complètement exclu. Pourtant, c'était 6 hommes qu'il y avait dedans. Donc, c'était pas parce qu'il y avait une femme ou il n'y en avait pas. Mais effectivement, dans les terres en Antarctique, il y a de plus en plus de femmes. Au départ, il n'y en avait pas du tout. Après, il y en a eu 1, 2. Mais je pense que les conditions sont quand même un tout petit peu différentes. Parce qu'en fait, c'est un confinement, mais un confinement quand même où il y a plus de place. Honnêtement, le bidon de l'IMBP, moi, je n'aurais pas y passer plus de 24 hein, heures. Hein. C'est Mars 500, ça. C'est vraiment des chambres, je ne sais pas, qui doivent faire, 2-3 mètres carrés. Il y a la salle commune qui en fait 3 ou 4. Enfin, c'est pire que les appartements parisiens, les chambres de bonne. Hein. Je vous assure que c'est quand même très, très lourd, hein, je pense, psychologiquement. Alors que dans les bases, c'est quand même un peu différent. Et puis, alors, dans la station, ce qu'ils disent, qu'effectivement, c'est exigu. Mais ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'extérieur. Et ils sont en permanence, sitôt qu'ils ont le temps, derrière l'hublot, parce qu'il paraît que c'est tellement beau de voir en fait à l'extérieur qu'ils passent beaucoup, beaucoup de temps à regarder l'extérieur. C'est ce que disent les astronautes. Donc là, je pense que ça, c'est plus agréable comme de situation au point de vue psycho que le confinement. Ce qui ne sera pas le cas en fait pour Mars, parce que le voyage va quand même être très, très long. Mais vous avez raison, oui, c'est beaucoup mieux de faire des équipages mixtes. Hein. Alors pour Mars, c'est le problème, 3 hommes, 3 femmes, 6 hommes, 6 femmes. J'ai cru comprendre qu'il fallait un équipage mixte, oui, mais bon. Un nombre impair, justement, pour que des décisions, des majorités puissent oui. dégager facilement aussi. On a pensé même à ça. D'autres interventions, on va bientôt se quitter. Est-ce que quelqu'un d'autre... Alors, oui. Une question martienne. Oui, oui, il y a tout ça dont on n'a pas encore parlé. Aller sur Mars. Je crois que le chiffre, c'est la perte osseuse, je crois que c'est 1 à 2% de perte par 30 jours en microgravité. Imaginons un scénario, un explorateur sur Mars qui se casse un fémur ou un tibia. Il est en 0,38 G, un tiers de pesanteur. Comment les cellules osseuses, comment il faudra plâtrer, comment on fera sur Mars pour ce type d'incident ? Bah, je sais pas, pour l'instant, de toute façon, on sait que l'équipage, il faudra qu'il soit bi ou tri métier. Hein. C'est-à-dire que le cuisinier, il faudra qu'il soit chirurgien en même temps. L'ingénieur, il faudra qu'il soit plombier. Enfin bon, il va vraiment falloir avoir des gens qui sont multitâches. La cellule osseuse, la question c'est plus sur la cellule osseuse. Non mais pour l'instant on n'en est pas arrivé là. Hein. Oui mais monsieur il en est déjà là parce qu'il a participé à un livre justement sur le... qui essaye de... Mais les Russes, ont fait des manips, si vous voulez, sur les rats en faisant des fractures en vol, etc. Mais sur l'homme pour l'instant je pense qu'éthiquement c'est quand même difficile de casser les os des astronautes dans l'ISS et de voir comment ça se répare. Hein. Donc je ne sais pas, honnêtement, là. Je ne sais pas un comment on peut résoudre facilement ce genre de problème. C'est pour ça qu'on avait commencé à faire des opérations, enfin des toutes petites opérations en vol parabolique, etc. Mais pour tout ce qui est fracture, je pense que ça ne se réparera pas de façon... De même que la cicatrisation... Alors, attendez, je vous passe le micro, parce que sinon, oui, il faut qu'on vous en... Oui. Attendez, j'arrive. La cicatrisation, oui. Sans pesanteur, les mécanismes de cicatrisation, lorsque vous faites une plaie... Est-ce que c'est plus long ? Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'expérience. Tiens, tu connais des trucs ? Oui, on sait que grosso modo, la cicatrisation n'est pas mauvaise. Elle pose problème lorsque vous avez des astronautes qui sont vraiment en déficit énergétique important. Là, effectivement, ça peut poser un problème, mais c'est exactement le même problème que vous avez sur Terre quand vous avez quelqu'un qui est dénutri. Voilà. Mais effectivement, de toute façon, la question du risque fracturaire... fait partie des priorités pour l'exploration de Mars, ça c'est clair, ça a été reconnu par les experts au niveau européen, mais tout au même niveau que pose le problème des impacts des poussières martiennes sur le système pulmonaire. Donc il y a beaucoup d'inconnus pour Mars, c'est évident. On a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps, dit Guillemette Gauquelin-Coq. Il y a une dernière image dont on n'a pas parlé, c'est sur la dernière page. C'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cette sphère équipée avec des câbles, etc., sphère métallique C'est ce qu'on appelle les appareils Bion. C'est des Bion, B-I-O-N. B-I-O-N, c'est des capsules automatiques donc, qui sont lancées par les Russes. Donc la dernière a été lancée au mois de fin mars 2013. Et celle d'avant, c'était quand ? Celle d'avant, malheureusement, c'était 15 ans avant. Alors ah oui, à une certaine époque, les Russes avaient des programmes, ce qu'on appelait biosatellites, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des souris et des singes dedans. Tous les 18 mois, il y avait régulièrement un biosatellite de lancer. Mais après, ils se sont arrêtés pendant 15 mois pour des problèmes techniques. 15 ans ? Pendant 15 ans, pour des problèmes techniques et des problèmes financiers essentiellement. Donc là, cette capsule-là, il y a eu tout un arche de Noé de lancer. Donc il y avait 45 souris, 15 gerbilles, des micro-organismes. 15 gerbilles, oui. Et quoi d'autre, vous avez dit ? Des escargots, des micro-organismes. C'était l'arche de Noé, absolument. Et vous avez activement participé, le CNES. Oui, le CNES a activement participé, bien sûr. Donc en fait, on avait arrivé à négocier un programme sur des souris en posant des capteurs sur les souris pour mesurer la fréquence cardiaque et la pression artérielle pendant l'ensemble de la durée du vol, ainsi que 8 jours avant le vol et 8 jours après le vol. Alors, sur quels animaux, donc, là ? Sur des souris, hein ? Oui. Donc, en fait, on a comment est-ce qu'on mesure la pression artérielle d'une souris en fait, on met dans l'espace On met un cathéter dans la carotide. Ouais. Et ensuite, il y a un petit sac à dos ? Oui, dans un petit sac à dos. Donc, il y a le capteur. Ensuite, il y a l'émetteur et le récepteur. Et ensuite, les résultats sont stockés pendant la durée du vol et puis avant et après le vol. Et les résultats sont dépouillés au retour. On avait également la vidéo pour voir comment les souris se comportaient, pour relier quand même si on avait des modifications de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque à l'activité de la souris. Donc on avait ce programme-là, en fait, c'était un programme, c'était une première mondiale, ça ne s'est jamais fait, de savoir effectivement... Première mondiale, qu'est-ce qui ne s'est jamais fait? C'est-à-dire la modification de la pression artérielle pendant 30 jours au cours du vol, à la montée, à la descente, et 8 jours après pour la réhabilitation de la souris et du système cardiovasculaire, n'avait jamais été fait, parce que pour l'instant, on ne pouvait pas le faire chez l'homme, on ne pouvait quand même pas mettre un cathéter à l'homme, et les techniques jusqu'à maintenant ne le permettaient pas, mais grâce aux ingénieurs du CNES, on a pu mettre au point le système. Et on avait également donc tout un programme sur les vertèbres. Alors, si on s'ajuste sur le système cardiovasculaire là, de vos souris, quel résultat est-ce que ça a donné? Pour l'instant, tout n'a pas encore été dépouillé parce que des milliers de gigas de résultats. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement les rythmes de la pression artérielle qui étaient perturbés et de la fréquence cardiaque en vol. Et qu'il y avait des nouveaux rythmes en fonction de la nourriture, etc. Et puis bon, que tout compte fait, les accélérations et les décélérations au moment du décollage et de l'atterrissage n'étaient pas si terribles que ça pour le système cardiovasculaire. Parce qu'en fait, quand on a envoyé le premier cosmonaute, c'est ça qu'on avait peur, que le cœur pète au décollage. C'était ça la crainte. Ouais. On a dit le cœur va exploser, mais non, il n'est pas explosé. En fait, c'est celui qui se comporte le mieux. Ah oui, c'est lui, d'accord. Et puis, il y avait donc un programme sur tout ce qui était os, donc sur les vertèbres, la décalcification de ces petites souris. Et puis, Stéphane va s'occuper des muscles pour faire toutes les chaînes métaboliques et les modifications au niveau des différentes chaînes métaboliques. Stéphane Blanc, vous êtes donc impliqué dans cette étude de Bion? Oui, on a récupéré les muscles de ces pauvres petites souris. Et on va appliquer des techniques assez poussées pour étudier en fait l'ensemble des voies métaboliques. Ah, qu'est-ce que c'est une voie métabolique? Une voie métabolique, c'est par exemple, vous mangez du glucose, il va aller dans votre sang, dans votre cellule, et il va se dégrader en des millions de petits composés qui vont avoir chacun une fonction et un rôle différent. Et c'est ce que l'on regarde sur l'ensemble du métabolisme du muscle en utilisant des techniques de spectrométrie de masse. C'est-à-dire qu'on utilise au mieux le peu de quantité de muscles que l'on a suite au vol. C'est cher, hein. Voilà. C'est cher, dit Guillaume Clincoc. On va bientôt se quitter. Alors moi, vous ayez une dernière intervention. Moi, j'ai une petite question à vous poser. J'ai l'impression en fait qu'en France, on a une expertise tout à fait reconnue dans le monde. D'où est-ce que ça vient, le fait qu'en France, on est comme ça? On a des chercheurs qui sont excellents. Non, mais c'est pas du tout pour vous flatter, mais c'est vrai quand même que les Chinois viennent, s'adressent au CNES justement pour créer cette ceinture hein, qui va suivre le rythme cardiaque des taïkonautes, enfin... On a en fait, avec les ingénieurs du CNES, on a une certaine expertise, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre au point un certain nombre d'appareils. Donc on définit les appareils avec les scientifiques, et après nos ingénieurs font ce qu'ils peuvent pour effectivement le réaliser, avec des fois beaucoup de mal. Mais jusqu'à maintenant, ils y sont toujours arrivés. Donc en fait, la spécialité du CNES, c'est essentiellement la filière cardiovasculaire et la filière neurosciences. Donc c'est dans ces deux domaines-là qu'on est vraiment excellent. En fait, c'est notre apport en nature de la station pour la Station Spatiale Internationale. Oui, c'est ça. Il faut payer un droit de passage, si je puis dire, hein, pour aller sur la Station Spatiale Internationale. Mais plutôt que donner de l'argent, eh ben, Et c'est intéressant pour nous d'avoir un certain nombre de spécificités, comme cardiomètre, qui nous permet quand même d'avoir le suivi médical de tous les cosmonautes russes. C'est quand même assez exceptionnel. D'accord. Cardiomètre, ça ressemble à quoi? Cardiomètre, c'est pareil. C'est un petit ensemble d'instruments, en fait, où il y a un cardiopresse, un Doppler, des holters, bientôt, j'espère, un échographe. Et en fait, ça nous permet d'avoir l'ensemble, d'avoir tous les résultats, tous les paramètres du suivi médical des cosmonautes. Bon, très bien. Bah, écoutez, on voit avec vous qu'effectivement, on a avec l'espace des modèles tout à fait passionnants, des modèles de vieillissement accélérés qu'on n'a pas sur Terre. Et puis on voit qu'on va se poser la question de l'intérêt du sport pour vaincre l'obésité, le diabète, comment est-ce que le sport agit sur l'os, sur le muscle. Le confinement a des effets sur la psychologie, la santé psychique des personnes. On voit que les instruments aussi bénéficient de toute cette recherche. Et puis, on espère bien sûr... On place beaucoup d'espoir en vous, Stéphane Blanc. Hein, ce cocktail d'antioxydants, écoutez, si ça marche, on pensera... Ouais, bon. On reviendra. Vous reviendrez, oui. On vous le fera tester. Oui, d'accord. Il y a un prix Nobel de médecine, quand même. Non. Stéphane Blanc a dit non. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Merci infiniment à tous les deux, vraiment, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné toutes ces explications. Stéphane Blanc, Guillemette Coquelin-Coq.